2, 1. Knicks on fire tonight. MSG is the place to be. Sub no. Stop. Give her what she wanted through to Sunday. Pas un jour, pas une semaine sans qu'on parle des New York Knicks. Oui, j'ai la voix cassée. Oui, ça fait deux semaines qu'on ne sait pas parler. Mais on est de retour. Seb, comment tu vas? Pas un jour, pas deux semaines, même j'aurais dit. Eh ben ouais, pas deux semaines. Ouais, mais bon, c'est le jingle, voilà quoi. Tu vas bien? Eh ben ouais, ben écoute, un lendemain de victoire, ça va... Ça va toujours bien, en plus, contre les Boston Celtics. Les horribles Boston Celtics. Tout va bien, nickel. Bon, je t'ai pas trop manqué. Oh, mon petit cœur a saigné. mais bon, c'était pour la bonne cause. Bon, j'ai la voix un peu cassée parce qu'on est de retour tout juste de New York, des États-Unis, de Washington DC également. C'était le KNF Capital Empire Trip 2K26. Waouh, tout ça, tout un programme. Et ben ouais, c'était un sacré programme. On va vous en parler tout à l'heure. Enfin, tout à l'heure, juste après le jingle, hein, parce que vous le savez, comme à chaque fois, il y a beaucoup de choses à dire. Parce qu'il s'est passé beaucoup de choses sur cette quinzaine, en coulisses, sur le terrain. Pour l'association, pour les joueurs, pour tous les joueurs, les Français, pas les Français. Ouais, on va pas perdre de temps. Épisode 145 à Venice Week. Fiascoré. On est de retour sur KNFTV. Et on parle de ça tout de suite avec Seb. Allez, let's go. On n'en parlera pas. Et oui, on est de retour. De retour d'où? Bah, des États-Unis. C'était l'événement majeur, le main event de l'association cette saison. Le KNF Capital Empire 2K26 Trip. Voilà, bon, vous avez tous les mots, vous les remettez dans l'ordre. Il n'y avait pas plus long. Non, il y aurait peut-être le part 2. Pourquoi KNF? Parce que c'est l'association. Pourquoi Capital? Bah, parce qu'on a été à la capitale. On a vu le Capital à la capitale. Jusque-là. Tout va bien. Empire, bah ouais, Empire Building, Empire State, bah New York, bah ouais, parce qu'il y avait deux choses, il y avait deux villes, deux mégalopoles, deux salles, deux matchs NBA, deux victoires des Knicks, oui, deux fans d'expérience. Deux matchs différents. Un blowout à Washington. Sympa à voir cette salle, sympathique à battre cette équipe, sympathique à conspuer ce Trae Young qui était là, oui, on l'a vu. Il avait un jersey pour le coup, pour rendre hommage aux pionniers des joueurs noirs américains. En ça, on peut le saluer, mais au-delà de ça, on va pas vraiment trop l'honorer ce Trae Young. J'ai vu qu'il y a eu des images justement où il se faisait un peu... malmené, ouais. Il s'est levé, il a demandé aux gens de se calmer. Il s'est pris le nez, le bec avec un fan d'Enix. Il y en avait beaucoup. Il a dû se dire, attends, si je change d'équipe, peut-être qu'ils vont m'oublier. Non. Ça lui a chanté le traditionnel chanson à direction de Trae Young. Il y avait beaucoup de fans d'Enix, hein, dont nous, j'ai sûr, vu mais ça, à Washington. Fou. Le MVP en veux-tu en voilà, et heureusement que les fans des Knicks étaient là, parce que ça mettait l'ambiance, on serait cru vraiment au Madison Square Garden, à quelques Washington Wizards fans près, mais vraiment c'était une grosse proportion de New Yorkais présents dans cette Capital One Arena. Une belle salle au demeurant, ça sent beaucoup la bouffe, hein, par contre, ça là-dessus, il doit y avoir des petits problèmes de hôte aspirante, ça sent quand même moins au Madison Square Garden. Et donc ouais, un premier match très plaisant, on a pu faire notre petite photo sur le parquet des Wizards, ils ont été plutôt sympathiques avec nous, donc on les remercie. Et puis derrière, direction la capitale de cœur, la capitale économique, la capitale culturelle, la ville monde, The Mecca. New York, Big Apple, pour un match hallucinant, énorme, énormissime dans toutes les dimensions possibles et inimaginables. Double overtime face aux Denver Nuggets. C'est quelque chose à vivre. Hein. Là, le Garden a vibré de toutes les façons possibles et inimaginables pendant je sais pas combien de temps au final, parce que ça a été long. On n'en pouvait plus de ce match interminable. Et on a cru le perdre. Hein. Ce shoot à 3 points, à quasiment au buzzer de Nikola Jokic, il est dedans, c'est pareil. Et cette faute débile de Mikal Bridges. Elle est débile, cette faute. Mais, enfin, je suis pas le plus grand fan de Mikal Bridges, siffle, mais ça se siffle jamais. Là, Ouais, sur ce match-là. Bah, si ça se siffle pas, en même temps, qu'est-ce que tu vas pousser, quoi. Enfin, mais là, elle est débile, la faute. Après, elle se siffle, hein. Mais bref. Heureusement qu'il y a eu la victoire. Heureusement qu'il y a eu la win au bout. Et puis, cette fan expérience, vous l'avez aperçu pour certains. On a eu la chance, l'honneur de pouvoir aller tirer un lancer franc. Hein. C'était pas deux, c'était pas trois, c'était pas un trois points, c'était pas un layup. C'était un lancer franc. Avec un ballon qui n'est pas un ballon NBA, hein, plutôt un ballon de touriste. Hein. Voilà. Ils auraient pu nous mettre bien avec un vrai ballon, bien gonflé. Bah, ils pourraient faire l'effort à minimum, quoi. Ah là là, ils nous mettent des bâtons dans les roues. Hein. C'est pour que, justement, les ballons ne rentrent pas, je ne sais pas. C'est pour pas trop mettre la honte à Mitchell Robinson. Si tous les touristes venaient et mettaient chacun le lancer franc, ça va foutre très mal, peut-être. On n'a pas été très très bons. Hein. Moi-même, hein, j'en suis à un bon Mitch Robinson près. Hein, 0 sur 2 entre cette occasion en 2026 et celle loupée en 2023, c'est ça? Est-ce que dans 3 ans, j'aurai l'opportunité d'en remettre un? En 2023, tu avais quand même l'excuse que tu avais ton poignet qui était... J'ai un doigt cassé. Hein, voilà. Donc, ce doigt-ci, hein, vous le voyez, il n'est pas d'une taille normale. Il ne s'est jamais remis. Tu avais cette excuse-là. Voilà. Donc, Je me suis cassé la main en janvier 2023. Et en janvier 2023, je devais essayer de mettre un lancer franc. Donc effectivement, là, je n'avais pas touché de ballon depuis 15 jours. Le petit dribble pour essayer de se positionner, se mettre bien. Et le dribble est peu foireux. Je sais pas, le ballon sous-gonflé, le parquet bizarre en train d'être défait. Je sais pas. Je me charge des excuses. J'ai tiré, c'était trop court. Ça touche l'arceau, mais ça rentre pas. Donc, j'ai cherché un playground dans New York. Pas évident parce que c'était plutôt enneigé. Hein. On avait un temps hivernal, limite polaire. On a trouvé un quart de raquette de déneigé. Et au bout de 5 tentatives, mon lancer est rentré. Bon, plus on le sac à dos, c'était pas le plus évident pour shooter, mais voilà, je suis quelqu'un de la rue. Donc dédicace à mon poteau Raji qui m'a accompagné. Non, c'est pas truqué, non, c'est pas de l'IA. Il nous a fallu quelques essais pour s'y mettre. Voilà, c'est ça en fait le basket. Faut un petit peu. On n'est pas des machines, on n'est pas des robots, quoi. Donc voilà, mais un voyage encore une fois mémorable. Donc un gros big up à tout le groupe qui nous a accompagnés, à tous ces adhérents qui ont été les heureux chanceux cette saison d'avoir pu vivre tout ça et qui sont repartis des étoiles dans les yeux. On a croisé quelques joueurs, Landry Chamet, Maudy Awara, Mike Brown aussi. Bon, ils sont venus un petit peu en coup de vent et ils nous ont pas accordé vraiment du temps, mais c'est pas grave. En tout cas, plein de souvenirs pour ce très très beau voyage. Et nul doute que bah, dès la saison prochaine, on a envie de repartir. Donc voilà, si vous n'avez pas encore vécu l'expérience, les main events que sont ces trips KNF, ben, je vous encourage à essayer de nous rejoindre la saison prochaine pour des destinations... Bah, qu'on ne connaît pas encore, parce que voilà, chaque année, ça se prépare. Mais chaque année, les gens repartent heureux et n'ont qu'une seule envie, c'est de revenir, de repartir. Donc, voilà. C'était le 10e voyage. C'est pas la 10e saison. Hey, la prochaine, ce sera la 10e saison. Mais déjà, 10e voyage associatif. Et on ne compte plus les bons moments parce qu'on en a vécu un paquet. Et je suis sûr qu'on en verra encore un paquet ensemble. Voilà, donc quelques petites photos pour vous montrer un petit peu cette bonne ambiance. On mange bien, on vit bien pendant ces quelques jours. Et puis en plus, quand les Knicks nous régalent, eh ben c'est formidable, c'est encore mieux. Et puis bah, cette saison, on a vécu un événement, qui est un événement de la NBA, qui est la trade deadline. Oui, c'était juste pendant notre séjour, le jeudi. Hein. Alors il y a eu quelques moves avant. On ne savait pas trop qui allait débarquer au Knicks. Est-ce qu'il allait y avoir un grec ou pas? Est-ce que le grec allait basculer dans une autre franchise? Eh bien, au final... Est-ce que le grec allait parier sur lui-même? Ouais, mais tu comprends, les légendes attirent et ne quittent pas les franchises. Voilà. Le mec, il s'autoproclame une légende. Bon, non, mais t'as pas vu aussi le scandale du truc. Un peu déconnecté des réseaux. Il est l'ambassadeur là, d'une boîte de paris en ligne qui, ouais, notamment, ouais, a fait le pari de Giannis, est-ce qu'il part, est-ce qu'il part pas. Et du coup, il y a des spéculations qui disent « Ah, mais voilà, il a fait monter la sauce en mode « Je vais partir pour que les gens y parient. » Au final, il reste. Donc, si tu veux, il est dans une petite sauce, l'ami de Giannis, là, une petite sauce blanche pour aller avec son grec, mais qui doit avoir un petit goût un peu aigre-doux, quoi. Donc, ouais, pas... ouais, ouais. pas tout ce qui est NBA Paris Sportif, déjà, c'est Mmh. apprécié moyennement. Il y a certains joueurs qui se sont fait bannir. C'est pas le frère de Michael Porter Jr., je crois. Mais effectivement, Bah, je sais hein, pas les si c'est petites son frère, c'était Dwight spéculations. Porter. Ouais. Ouais. Donc, bon, on suivra les Mais ouais, affaires l'histoire est louche. judiciaires de L'histoire est Giannis. vraiment pas top. Pas un peu cracra. Mais au-delà de ça, au-delà du scandale, du nouveau scandale grec qui pourrait arriver, est-ce que Giannis va se faire bannir? Ça a Hein, ce bougé. serait... Ça, Ça a moi, bougé. la deadline, moi, Ouais. je l'englobe sur 48 heures. Moi, la deadline, Ouais. c'est pas le jour même pour moi, c'est presque 2 jours complets, tu vois. Et ça a bougé. C'était sympa. Ça a Il y a tiré eu dans des tous gros les noms qui ont sens. bougé. Hein, il y a eu Ouais. des gros noms. On pense à Anthony Davis, qui est arrivé où ça? Au Washington Wizards, juste après qu'on parte. Évidemment, évidemment. Il paraît Nous. que leur système de couverture santé est mieux là-bas. Donc. J'espère, j'espère. En tout cas, voilà, ils ont fait un move. On en pense ce qu'on en pense. Mais en tout cas, les Wizards ont bougé cette saison. Avec, dans un premier temps, Trae Young. Ensuite, dans un second temps, Anthony Davis. À voir, tous ces joueurs ne risquent pas de beaucoup jouer, voire pas du tout, Ben là, de c'est cette saison. sûr que Anthony Davis, non, puisque ça a été annoncé qu'il était out pour la fin de la saison. Donc, déjà, ça c'est annoncé. Ce qui devrait leur permettre de récupérer un beau pick de draft aussi. Un pick de draft qui était en principe possession des Knicks, si c'est pas, si c'est au-delà du pick 8. Hein, c'est un protégé pick 8, donc ça devrait nous échapper. Mais voilà, bah écoute, une équipe qui se positionne pour la saison prochaine. Tout ça, c'est sur du papier. On verra. Anthony Davis, on sait les problèmes de santé récurrents qu'il peut avoir, les blessures. Est-ce que ça marchera mieux à Washington? Tout le mal qu'on lui souhaite. Bah, En comment, tout cas, disons pourquoi pas que un concurrent dans la conférence quand Est. tu te fais Pourquoi vieux et que tu as déjà eu des problèmes de santé, notamment jeune, ça va Ça n'a pas pas forcément tendance s'améliorer. à diminuer. Ouais. Mais beaucoup d'équipes se sont améliorées. Les Pacers ont récupéré Ivica Zubac. Bien joué de leur part. L'année Après avoir prochaine, perdu Miles Turner la saison dernière, bon, c'est un pivot ils intéressant. récupèrent Haliburton et ils vont sûrement piquer haut. Bah, attention, bah, les Pacers l'année prochaine. Bon, que les Wizards, on l'a dit, les Davis Trae Young, les Brooklyn Nets, alors eux, ils ont servi, ils ont pris du pognon, ils ont pris du Ouais. truc. Ils ont coupé Cam Thomas. Cam Thomas qui s'est engagé où? Au Au box. Milwaukee Bucks. Donc, normalement, ça va calmer Giannis. Il va être content. Il a Cam Thomas à côté de lui et Ousmane Dieng. Alors, Ousmane Dieng, lui, il a voyagé. Ousmane Ouais. Dieng. Alors, Plus que non. nous, plus que nous pour le coup. Alors, beaucoup de personnes se disent, mais il a vraiment voyagé? Oui, en fait, il était dans l'avion. Et puis, à chaque fois, tu vois, Il il s'est était jamais posé, redirigé. quoi. Non, le mec, il était chez lui. Il attendait le. Donc, il est parti. Ousmane Dieng, il est parti d'OKC. Il a atterri à Chicago, je crois. Après, il a fait. Ou Charlotte. Après, il a fait Chicago. Et maintenant, il est à Milwaukee. Il ne devrait plus bouger. Donc. Est-ce qu'il va jouer? Ça, c'est une autre question. Mais en tout cas, les Français, effectivement, et on en parlera tout à l'heure d'un Français en particulier. Ouais, mais justement, à Chicago, bah, Chicago, ça a bougé, et notamment bah, pour un Français, on va parler, mais ça a beaucoup bougé. Eux, ils ont dit, on récupère plein d'arrière, et puis on fera le tri en fin de Et saison. on verra à la fin si on fait du ultra small Ouais. ball. Ils ont perdu Vucevic, qui renforce. Pourquoi pas un concurrent des Knicks en la personne des Boston Celtics? Alors ça tombe bien, on les a affrontés cette nuit. Ça tombe bien, Vucevic, c'est pas non plus un cadre défensif. Bon, Non. ça réussit plutôt à New York. On pensait qu'il partirait à Sacramento. Sacramento a peu bougé. Kevin Ellis qui part, mais autrement ils ont gardé voilà, leur base de DeRozan et de Lavine. Pourquoi pas? Et Schroeder, il y À avait voir. Schroeder. Mais ils ont, eh ben en fait, ils ont tout gardé, Sacramento. Hein. Je veux dire, ils ont tout gardé. Ah, tu changes pas une équipe qui perd. Après Charlotte, ben Charlotte, eux, ils se sont renforcés. Je crois qu'ils ont bazardé Colin Sexton. Et Oui, qui je part sais. à Chicago, je crois. Oui, Ouais. oui. Ah, vous voulez un petit? Ok. Mais Charlotte, attention, parce que mine de rien, ben, eux, on en parlera en fin de d'émission, ben, ils sont sur 9 victoires consécutives. Eh oui. Atlanta, ils ont bazardé Trae Young, donc ils ont récupéré un peu Porzingis. d'assets. Ils ont bazardé Porzingis au Golden Qui State part Warriors. à Golden State, enfin à San Francisco, Warriors. Qu'est-ce que ça va donner Porzingis? Quand on comptabilise le nombre d'équipes qu'il a fait, il commence à devenir. Hein, Il il va est dans pouvoir la, faire dans, dans, la, bien dans sûr la traîne de Schroeder, quoi, hein, à ce ouais, il va bien niveau-là, quoi. pouvoir faire son petit Rainbow, je pense, dans pas longtemps. Ouais. Miami a pas bougé. Orlando a récupéré. Ah non, Orlando a coupé le petit. C'est le meneur là, Tyus Jones. Tyus Jones qui s'est engagé, je ne sais plus où. Mais. Ouais, ça a bougé. Les Cavs. Les Cavs et les Clippers, parce qu'on pensait que côté Clippers. Et mine de rien. Il y avait du mieux, ça allait rester quoi en fait quoi. Déjà, ils perdent Zubac. Et puis ils perdent surtout James Harden quoi. Un peu à la surprise. En relativement peu de temps, on l'a vécu là-bas. James Harden a demandé un trade. Quoi ? Ouais. Enfin, pourquoi donc ? T'es à Los Angeles, t'as prolongé, t'es chez toi, quoi. Mais il n'avait pas prolongé, justement. Il voulait une prolongation. Et en fait, les Clippers n'étaient pas très disposés à lui filer le pognon qu'il voulait. Il a fait OK, je me casse. Et on se demande pas pourquoi, mais. Il s'est tiré. Voilà, pareil, une franchise de plus pour James Harden. James Harden, partout où il va, ça fait plus l'affaire, quoi. Hein. Je veux dire, c'est quoi la dernière équipe où il a vraiment été marquant Houston. Au point de faire... ouais, mais c'est ça commence à dater, quoi. Parce que voilà, il y a eu les Nets, il y a eu les Sixers, ouais. Maintenant les Clippers. C'est du 2 ans à base d'un jeu assez particulier. Même si c'est un joueur qui a encore des capacités basket au-dessus de la moyenne, puisqu'on voilà, on parle plus d'un joueur de type MVP. All-Star, ça peut le mériter si on regarde les stats. Et là, il déboule, où ça ? Eh ben, à Cleveland. Cleveland qui tourne la page Darius Garland. Alors, Darius Garland a eu des pépins de santé. Sur le papier, un back court James Harden, Donovan Mitchell, bah, c'est peut-être ce qu'il y a de mieux sur le papier dans la ligue. Mais voilà. Est-ce que ça va marcher ? Moi, j'attends toujours de voir, si tu veux, parce que tu vois, par exemple, Atlanta, donc ils ont récupéré Kuminga. Et tu vois, dans le trade de Porzingis. Et donc, j'entends beaucoup d'experts dire oh là là, mais je sais pas si ça va fitter entre Jalen Johnson et Kuminga. Ouais. Mais c'était les mêmes personnes qui disaient l'année dernière oh, je sais pas si ça va bien fitter entre Ingram et Scottie Barnes. Ça marche bien, Ingram et Scottie Barnes. Ça marche plutôt bien les deux ensemble, tu vois. Donc, ben, attendons de voir en fait. Parce que j'entends toujours parler et ça parle, oui, le fit ça. Mais déjà, en fait, si les mecs ils jouent pas ensemble, tu sais pas comment ça va se passer. Peut-être qu'à un moment donné, ben, pour le bien de l'équipe, pour machin, tu vois. Ça... Et puis peut-être que humainement ça va cliquer, les mecs vont bien s'entendre et puis en fait ça va bien jouer. Se trouver sur le terrain, que le coach sache un peu comment utiliser ces différentes armes. Donc, quel type de jeu on va avoir sur ces équipes. Donc, effectivement, attendons de voir. James Harden, Donovan Mitchell, ça donne pas une impression d'un backcourt défensif très très élevé. Bon, offensivement, pas forcément mieux avec Garland. Partager la gonfle. En défense, quoi. Bon, après. C'est ça. Donc, à voir en tout cas si ces équipes se sont renforcées. En tout cas, quand on regarde un petit peu tous les trades, on va parler de Nonix. Mais quand on regarde un petit peu tous les trades, est-ce qu'il y a des équipes sur ce post-break ? Moi, j'aime bien ce qu'a fait Atlanta. Mais de là à dire qu'ils se sont renforcés pour passer un cap cette saison. Non, mais pour l'année prochaine, voir. Je suis pas hyper hype par Washington. Je vois beaucoup, mais je suis plus sur la lignée de basket session là-dessus que sur celle de Trash Talk ou de First Team. Je suis pas moi hyper hype. Voilà, Washington, oui, il va falloir vraiment que toutes les planètes s'alignent et que les mecs soient en bonne santé pour que ça puisse marcher. Ouais, sur le papier, c'est sûr que sur le papier, tu fais waouh, c'est Trae Young, Anthony Davis, Alexandre Sarr, waouh, et tout machin. Mais... Comme le duo Kyrie Irving et Anthony Davis, sur le papier, c'était intéressant. On l'a pas vu dans les faits parce qu'il y a eu de la blessure, parce que voilà. Mais non, mais après, par contre, Washington, c'est l'équipe, une franchise qui était quand même en manque de stars. Ça n'attire pas, même s'ils ont des bons petits jeunes, un peu quand on les prend un peu individuellement. On a eu l'occasion de les voir, puisqu'on était justement face à un des matchs face aux Wizards. Effectivement, il y a besoin de ramener un petit peu de bling-bling, un peu de clinquant, et avec Trae Young plus Anthony Davis, c'est ce qu'ils apportent. Est-ce qu'il y aura des résultats ? On verra après sportivement. Indiana me fait très peur pour l'année prochaine. Ah ! Faut voir dans quel état revient aussi. Là, il est en phase de retour. Alors, il jouera pas, hein. Mais après, derrière, il a tout un été de remusculation, tout ça. Il va pas perdre son basket, le mec. Il est jeune. Ce genre de blessure n'est pas non plus anodine. Et il y a des joueurs qui peinent à retrouver leur niveau après. On l'a vu avec les Thompson. Ça a été compliqué aussi. On verra. C'est très bien coaché, Indiana. On a vu Paul George aussi qui a pris revenu à un super niveau. Donc, Indiana, moi je sais que avec cette arrivée de Zubac à bas prix, plus sûrement parce que un bon pick commence de draft. Un peu, ouais, je commence un peu à m'intéresser. C'est vrai que là, les quatre premiers de la draft, c'est du haut niveau. C'est du haut niveau. On n'est pas sur la draft 2024. Là, on est vraiment sur du haut niveau. S'ils ont le champion des quatre, plus ça, plus leur équipe, attention. Oulala. Oulala. Mais après, non, alors, après, non, le reste, après, pour le reste, on va parler des Knicks. Hein. On va parler des Knicks. Bah, parlons des Knicks, justement. Oulala, est-ce que ça s'est bien passé, cette trade deadline aux Knicks? On avait tout un tas de spéculations, notamment avec Giannis. Bon, on a vu, hein, comme à chaque fois, comme souvent, très souvent, ce genre de move, c'est rare que ça se fasse à la deadline. Mais très vite, les Knicks ont été écartés. Très vite, le nom d'Enix a quand même été écarté après. Hein, en l'espace de deux semaines, on a entendu d'un côté, ouais, OG, ça pourrait être une pièce centrale pour le trade. Bon, sauvé, j'ai pris son maillot, il n'a pas été trade. Mais ouais, Mikal, il pourrait partir à Portland pour Jrue Holiday, parce que Jrue Holiday, c'est le copain de Giannis. Hey, Giannis, si tu veux venir au Knicks, on a déjà un bon meneur. Hein. T'as pas besoin d'aller chercher ton vieux gars dans l'Oregon, quoi, je veux dire. S'il te faut Jrue Holiday pour dire, bon, ok, c'est ça qui me décide à demander mon trade. Il lui faut ses frangins tout autour de lui, quand même. Hein, donc. Ouais, plutôt, voilà. C'est qui met la main sur Thanasis aura Giannis avec, quoi. Bon, donc on avait vraiment des spéculations un petit peu de partout. Miami, les Warriors, qui d'autres, les Wolves aussi, qui étaient un moment... Les Wolves ont été, selon les insiders, parce que après les insiders aussi, ont fait beaucoup monter la sauce et finalement, il ne s'est rien passé. C'est Antoine Pimel, d'ailleurs, sur un des derniers CQFR qui disait non, mais en fait, c'est du vent. Tous ces insiders, ils savent que dalle. Un coup, ils se contredisent. Même Shams Charania, il te dit d'un côté, oh là là, Giannis est prêt à changer d'équipe. Rien. Donc, les insiders super informés. Alors, il y a peut-être eu des tractations, il y a peut-être eu des discussions, mais on n'était pas proche d'un accord, puisque la preuve, il y a eu zéro accord, il n'y a pas eu de trade. Donc, mais pour relativiser, il y a besoin de vendre la trade deadline. Ils ont été quand même assez actifs, les Timberwolves. Ils étaient, jusqu'à la dernière minute, ils ont été agressifs pour essayer de le recruter. Ce qui semble se dire, c'est aussi que Milwaukee testait un petit peu le marché, quoi. C'est quoi les offres qu'on peut avoir pour peut-être revenir à des tables de discussion, de négociation durant l'été. Et là, les franchises auront plus... De cap pour éventuellement encaisser un salaire, plus de pics de draft avec des vraies valeurs. Bon, donc ça s'en rediscutera. Pour sûr, l'affaire Giannis, elle n'est pas terminée, même si lui a annoncé je resterai toute ma vie là-bas. Bon, ouais. Mais en tout cas, Enix, il y a pas eu de Giannis. On verra, t'as raison. On a gardé les joueurs cadres. On pouvait s'inquiéter de Jordan Clarkson qui enchaînait les DNP quelques temps avant. On voyait du Paco Mdadier, du Gershon dans des pseudo-packages. Bon, au final, il y a Gershon qui est parti. Tant mieux pour lui, d'une certaine façon. Hein. On ne va pas tirer sur une ambulance. On m'a dit des fois, ouais, vous êtes un peu trop gentil avec Gershon. D'autres vont dire, ouais, le coach n'est pas sympa avec Gershon. On entend un petit peu de tout et n'importe quoi concernant Gershon. Moi, je trouve qu'on a été juste. Pour certains, je sais que des fois, j'ai pour papoter, moi, tu vois, j'ai quand même une fibre un peu patriotique tout de même, tu vois, les Français, je les supporte, machin. Mais j'arrive quand même à avoir pour les Knicks un regard assez neutre. On avait trouvé quand même des arguments pour défendre, quand il y avait eu Evan, pour défendre Evan, mais aussi pour reconnaître que Tom Thibodeau avait raison dans certains aspects pour son bench. Et je trouve qu'on a été relativement, on va dire, honnête sur le cas de Gershon. Et d'ailleurs... On parle toujours en toute liberté, honnêteté. L'idée, c'est pas de faire du putaclic en faisant « Ah mon Dieu, c'est honteux, c'est scandaleux, on va pas prendre des positions qu'on ne pense pas ». La situation, elle est, les parts de responsabilité dans la mésaventure, parce que c'est plus ça, une mésaventure qui est arrivée à Gershon à New York, bah, elles sont partagées. Oui, le coaching avait pas trop d'idées de comment l'exploiter. Gershon n'a pas non plus tout le temps performé sur les minutes où il a pu avoir quelques miettes de temps de jeu. Il y a des fois où, au contraire, il n'y avait pas grand-chose à lui reprocher. Il rentre ses shoots, il met ses points. Qu'est-ce que tu, pourquoi tu ne le laisses pas un peu plus? Voilà, même quand il y a eu des blessures, il n'a pas forcément bénéficié du temps de jeu. Bon, c'est des choses qui arrivent malheureusement en NBA. Il y a de la compétition. Les joueurs sont mis en compétition au sein d'une même équipe. Et des fois, il y a des erreurs de casting, des après, mauvais choix. Sur, pour revenir sur, le terme de, sur les termes du trade de Gershon, donc ce qu'on sait, et ça de sources sûres, que ce soit par les insiders new-yorkais ou les insiders de, notamment de San Antonio, c'est que les Knicks auraient proposé Gershon et Paccom Dadier, parce que donc les Spurs étaient intéressés par Paccom Dadier, un joueur qu'ils avaient scouté et qui était sur leur tablette de draft. Pour Jeremy Sohan, ça s'est pas fait parce que donc le contrat de Gershon avait une option joueur à 6 millions, on va arrondir, et les équipes étaient plutôt fébriles sur son option, notamment la Nouvelle-Orléans, parce que ben, l'Enix avait démarché la Nouvelle-Orléans pour José Alvarado, José, mais ça ne s'était pas fait par rapport à cette option joueur. Il faut rendre ça à César. Peut-être fermer des portes d'une certaine façon. Mais après, il faut rendre à César ce qui appartient à César. Pour faciliter le trade, et notamment à Chicago qui le voulait, Gershon a accepté en fait de renoncer à son option joueur. Et quand je lis, ouais, mais qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est juste assis sur 6 millions. Voilà. Le mec, l'année alors après, prochaine. Dans les faits, il y a un truc qui m'a échappé, moi, par rapport à cette histoire. Effectivement, il avait une player option qui lui permettait de dire bah, je continue ou je vais signer ailleurs. Donc, et il y c'est avait pour ça que. Liberté, une porte et de c'est sortie. Pour ça que les équipes si... ont été plutôt frileuses. Bah oui, parce que tu le récupères, mais tu peux récupérer juste pour 30 matchs, quoi, tu vois. Donc, enfin, ou à peine, quoi. Donc. Ça pouvait ne de pas donner envie de récupérer un joueur avec ce type de contrat s'il ne s'engageait pas, s'il ne prolongeait pas. Et puis en même temps, qu'est-ce que... Il avait son option. Donc, il était, est-ce qu'il allait vraiment apporter? Bon, ça pouvait mettre de l'incertitude. Là, il a levé son option, mais ça veut dire quoi? Son contrat, il est sur un contrat de 2 ans. Il a encore une saison l'année prochaine, non, qu'il n'a plus de player option. Non, il n'a plus de player option. Son contrat se finit cette année. Il est free agent en fin de saison. C'est-à-dire qu'en fait, il a annulé la player option qu'il aurait levée dans le club dans lequel il sera allé. Pour faciliter son trade, il a préféré, en fait... C'est un contrat expirant. Donc, en fait, il faut qu'il performe sur la fin. Il lui reste 3 mois d'NBA pour prouver qu'il peut rester NBA. Les Bulls, ça peut peut-être leur dire, ok, ben nous, on veut bien qu'on se engage, mais peut-être pas sur 1 an, 6 millions, mais peut-être 3 ans, 3 millions avec une option équipe sur la deuxième année, pourquoi pas, ça peut être le deal. Mais en tout cas, il a renoncé. Donc là où il avait un contrat de 2 ans, dont une player option sur la deuxième année qui permettait d'être levé ou pas, il est passé à un contrat d'un an. Voilà. Bon, en tout cas, il va retrouver les terrains et c'est tout ce qu'on lui souhaite. Oui. Il a déjà un peu performé à Chicago. On n'a pas de rancœur vis-à-vis de Gershon, au contraire. Enfin, je veux dire, il n'est pas arrivé malheureusement là où il aurait espéré arriver, c'est dommage. On aurait aimé le voir performer, s'éclater au Knicks. Il était content lors de la victoire en NBA Cup. Bon, bah, il joue pas la finale, donc effectivement, il y a un côté, je suis content en gagne, mais je suis content pour les copains, je fais partie de la bande, mais t'as envie de jouer, quoi. T'as envie de jouer. Donc, ça. Ça, forcément, c'est de la frustration. Là, en plus, qu'il a dû digérer, emmagasiner. Il sera dans un contexte des Bulls où il va avoir carte blanche. On l'a bien vu là sur le dernier match. Bon, il fait un 4 sur 13 au shoot. Mais c'est... voilà, c'est un bon gars. Vas-y. C'est un bon gars. Il a un jeu il a ses qualités et ses défauts, si on peut dire ça comme ça, comme n'importe quel joueur. Après, il l'a évoqué aussi. Là, il y a eu quelques interviews post-game. Et il est content de retrouver le parquet. Il remercie les Bulls de lui avoir donné cette chance. Il dit, voilà, New York, c'est le passé. Je me concentre sur la suite. Effectivement, ça sert à rien de tirer trop de rancœur sur ce qui s'est mal passé à New York, parce que ça s'est mal passé à New York. Hein. Il y a peut-être, le feeling n'est peut-être pas passé avec le coach, n'est peut-être pas passé avec certains joueurs, peu importe, avec la direction. Il a perdu du temps, il aurait peut-être effectivement une meilleure aventure s'il avait choisi une autre destination à l'été dernier. Mais pour autant, il reste positif. Il aussi vante le fait que c'est un joueur exemplaire qui a continué de travailler, comme Evan le faisait à son passage compliqué à New York. continuer à se tenir prêt pour que si on fait appel à lui, que ce soit dans les Knicks ou ailleurs, et là ça sera ailleurs, et ben il soit en capacité de jouer, il l'a montré tout de suite. Et puis aussi encadrer, il a évoqué le fait un petit peu ce rôle de mentor vis-à-vis bah, des autres jeunes français qui étaient dans l'équipe, en l'occurrence Pacom et Modiawara. Donc voilà, il y a ce côté de vétéran de la ligue, même si voilà, il a aussi joué outre-Atlantique. Et en ça, bah, bravo, bravo Gershon pour cette exemplarité. Il a été question à un moment donné de partir, repartir en Europe. Ça, c'est des bruits de couloir qui ont circulé, des rumeurs qui ont circulé là, sur la semaine avant la deadline. Ça parlait d'équipe la Poète Tel Aviv, je crois, et puis même et encore une autre équipe. Pana, le Pana, je crois. Et le, non. Ah oui, le Pana, une autre équipe en Grèce aussi. Crois. Bon, il y en a qui se sont déchaînés sur les réseaux sociaux, comme il y a encore beaucoup de teubés dans ce monde, malheureusement, appelons ça comme ça, dès lors que ça parlait de la Poète Tel Aviv, quoi. Super. Bon, bref. Mais en tout cas, non, il n'a pas renoncé à la NBA. Ça non, reste encore. Il était ouvert voilà. À toutes les opportunités, toutes les possibilités. Il est prêt à devoir mettre un terme à ce rêve. Voilà. Mais les Bulls. Pas l'équipe qu'on adore, hein, on est d'accord, mais vont lui offrir cette seconde chance. Bien et, sûr. Et nul doute qu'il saura relever le défi sportif. Bon, et du coup. Prêt à voir. Et nous, dans le trade. Et nous, il y avait un. On récupère du coup Dallin Terry. On récupère Dallin Terry, mais Dallin Terry qui est merci un contrat finissant. Un défenseur, un arrière ailier, profil défensif. Un peu en perte de vitesse du côté de Chicago non plus, je ne le connaissais pas trop. Mais il avait quand même cette particularité. Déjà d'une, on passe d'un contrat à quasiment 6 millions à un contrat à 5 millions. Donc déjà en plus on gagne de l'argent. On gratte un peu. Et donc le joueur est en fin de contrat, en fin de saison. Donc là, bonne nouvelle. On a ce qu'il faut pour aller voir les équipes en disant mais regardez, on a un mec on finissant. A un contrat facile à trade quoi. Voilà, ouais. Et puis pour vous ça va libérer du cap en fin de saison. Donc là qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien les Knicks, accompagnés de deux second tours de draft, sont allés chercher le joueur qu'ils convoitaient depuis un moment et d'un nom qu'on entendait depuis un sacré bout de temps. Un New Yorkais pur jus, un joueur du Queens. Voilà, José GTA, comme il l'appelait, Grand Theft Alvarado, parce que c'est un joueur qui a quand même des facultés pour piquer des ballons. Et donc, eh bien, écoute, grosse hype, parce que c'est un joueur fantasque, c'est un joueur artesque. Voilà, c'est un joueur qui, c'est peut-être pas le meilleur du monde, mais c'est un mec qui va donner un œil sur le terrain s'il faut pour faire gagner son équipe. Et du coup, c'était que quand la nouvelle est tombée, j'ai l'impression qu'elle a été super bien accueillie par tout le monde. En mode, on récupère José Alvarado. Vous, je sais pas comment ça s'est passé dans votre groupe. Quand on l'a vu, on a dit, ça y est, quoi, en fait. Alors, c'était un nom qui circulait. On se dit, il y a quand même pas mal de joueurs arrière. Est-ce que ça fait pas trop? Et puis, c'est arrivé aussi un petit peu au moment où. Ah, l'annonce de la blessure de Douche, de Mike McBride. Donc on s'est dit, ok. Il y a un effet compensation qui s'est accéléré de par la trade deadline. On va lui trouver du temps de jeu parce que, mon micro se casse la tronche. Que je me calme. Trop de hype sur José, là. Mais en tout cas, voilà, on a tout de suite, effectivement, c'était un joueur qui était dans les rumeurs. On sait qu'au Pelicans, la saison, elle est un peu foireuse et ça allait brader un petit peu à tout va. Il a montré de belles choses là-bas. C'est un New-Yorkais aussi. Donc, qui dit New-Yorkais dit jouer au Garden, c'est un rêve. Après, il faut arriver à transformer l'essai. Nombreux se sont un petit peu mordu les doigts, brûlé les ailes au Garden. Il arrive dans un rôle de 6-7e homme, on va dire. Ouais. Donc les attentes sont moindres. Mais il arrive quand même avec cette réputation plutôt sulfureuse de bagarreur. Cette saison, ça n'a pas manqué cette saison. José Alvarado, c'est un joueur, comme tu l'as dit, New-Yorkais, qui a fait sa fac à Georgia Tech. Il a fait ses 4 années, il n'a pas été drafté, c'est pour ça que quelque part il avait aussi ce pincement au cœur de quitter la Nouvelle-Orléans parce que la Nouvelle-Orléans lui a donné cette opportunité, d'abord entouré, puis après lui a fait signer un contrat de 5 ans. Donc voilà, il avait cette, ce, comme il disait, ce pincement au cœur d'un côté de quitter la Nouvelle-Orléans, mais d'un autre côté Ah, de il est rentrer reconnaissant, chez lui. il est redevable, il est redevable d'une carrière NBA à cette équipe. Voilà. Donc il était, il est, comme il disait, voilà, je suis partagé entre deux émotions, mais il était quand même plutôt satisfait de, bah, d'arriver à New York, d'arriver au Knicks, l'équipe qui l'a suivi, l'équipe Bah qui l'a oui, bah supporté. oui. Bah, comme Cat qui était un peu triste de partir de Minnesota parce que bah, c'était sa franchise de toujours, franchise qu'il a draftée, très haut certes, mais arrivé à New York, tu rentres chez toi, voilà, tu peux être que refait. Donc ouais, Alvarado, ça promet. On en discutait avec des New Yorkais sur place qui nous disaient, bon, José Alvarado, tu mets 8 points, un truc comme ça à la Nouvelle-Orléans, tout le monde s'en fout. Ses stats, elles sont pas... Voilà, c'est bien, c'est mignon, mais tu retiens pas ça. Si tu fais la même chose, tu tournes à 8-10 points par soir au Garden avec les Knicks, ça prend tout de suite une autre C'est ça, ampleur, une autre échelle. Donc deux ballons volés, quelques passes, et puis ouais, voilà, les projecteurs ils brillent beaucoup plus fort, les caméras elles sont plus braquées sur New York et encore plus cette année. Donc effectivement, il arrive bah, au bon endroit au bon moment. On lui souhaite toute la réussite qu'on peut espérer aux Knicks. Et son premier match, déjà, on va avoir l'occasion d'en parler, c'est plutôt rassurant. Ça démarre bien, ça démarre bien. Ça démarre bien. Après, effectivement, il y a le côté McBride blessé pour un laps de temps. McBride qui faisait un 6 très à très 8 très semaines. bon saison. 6 à 8 semaines blessé, opéré. 6 à 8 semaines, donc normalement, de retour pour ben, avant les playoffs, quoi. Là, il reste 30 matchs. Il reste 30 matchs. Il faut compter environ. Il faut compter, ouais, environ. On est quoi là? On est en février. Le début des playoffs qui ont commencé mi-avril. Avril. Donc, ouais, donc il faut compter encore 2 mois. Donc. Et on verra, est-ce que ce move aussi il est fait un petit peu en anticipation d'une prolongation ou d'une non-prolongation du contrat de McBride? C'est Voilà, une c'est des choses à interrogation. avoir en tête. Il y aura une concurrence. On avait peut-être besoin de renforcer les postes intérieurs sur le banc, pourquoi pas les ailiers. Non, c'est un poste d'arrière, hein, un combo. Alors, il n'est pas très grand, hein, le Alvarado. C'est peut-être pour Non. ça aussi que sa cote avait très vite glissé à la draft et qu'il n'avait pas été retenu. Mais en tout cas, voilà, c'est un renfort intéressant. On perd Gershon qui n'était pas utilisé. On le remplace par José Alvarado qui va être utilisé, c'est certain. Maintenant, à voir l'histoire, comment elle va se terminer. Jordan Clarkson, qu'on pouvait penser à un moment donné sur le départ parce que ça sentait pas très bon, on regarde son utilisation, et ben c'est Mais toujours un Knicks. hier soir, il était en croisade sur les réseaux sociaux. Oh oui, oh oui, oh oui. On voit qu'il shoote très vite sur le terrain, mais comme sur les réseaux sociaux. Ah ouais, Voilà. hier ça. Il a Mais insulté tout le monde. mes enfants regardaient le match avec moi hier en disant, oh, voyons, il a une drôle de tête ce Clarkson, pardon. Et c'est vrai qu'avec la paire Alvarado, on a deux Latinos très tatoués. Voilà, ça va faire une belle meute pour aller au combat. Mais en tout cas, voilà, avec Alvarado, on récupère aussi un joueur de caractère et c'est plutôt intéressant pour apporter un petit peu voilà, de grinta et de côté bagarreur parfois dans le jeu. Hein, on n'est pas sur combattants de MMA ou des boxeurs, mais en tout cas ça va dans l'esprit, dans l'ADN qu'on a envie d'avoir à New York, des joueurs de ce profil à Non, mais Alvarado. c'est ça, mais c'est ça, Très c'est bien. ça. Il correspond bien à l'ADN de cette équipe qui, historiquement, a quand même eu toujours des cols bleus, des mecs qui donnaient tout. Et à l'image de Josh Hart, en fait, ben, il correspond à cet état d'esprit de rien lâcher, de se battre, de continuer. Donc, c'est pour ça que je te disais, c'est une signature artesque. Il a le profil pour justement réussir dans cette équipe. Après, on n'en sait rien de Alors, comment ça va se ça. passer. Et peut-être que ça va être une immense déception. Mais en tout cas, Il y a une petite pour hype, il y a une l'instant, petite attente. ouais, c'est quelqu'un C'est bien. qui, déjà, c'est quelqu'un qui joue, qui est rarement blessé, et qui, jusqu'à présent, à la Nouvelle-Orléans, a répondu aux missions qui lui étaient demandées. Donc, bah écoute, voilà, c'est plutôt de bon augure. Et encore une fois, tu vois, ça peut être ben justement un joueur non drafté, Ouais. second tour, non, tu Toute vois, un peu dans histoire, cette, une belle histoire. ADN d'équipe, tu vois, Jalen Brunson pas drafté, Miles McBride pas drafté, c'est qui? C'est Kat, finalement, le joueur le plus hautement drafté dans Ah cette oui, équipe, quoi. premier premier pick. Donc voilà. Mais après, sinon, le reste, c'est quand même plus des outsiders, quoi. Donc voilà. Donc, moi, j'étais très satisfait. Et forcément, ça a ressorti la petite photo vintage. On a du mal à le reconnaître, hein, parce qu'il a changé physiquement, le garçon. Au début, moi, on me l'a envoyé, je dis, bah ouais, c'est qui? C'est un mec avec un blazer des Knicks? Bah, c'est Alvarado. Ah bah oui, maintenant que tu me le dis. Mais effectivement, faut l'imaginer sans ses tresses, sans sa barbe et tout, sans tous ses tatouages. Et voilà, en tout cas, bon, bah voilà, c'est un New Yorkais, fan des Knicks. Quoi de plus logique? Voilà. Quoi de plus logique? Donc non, très bien, très bien, très, très bonne deadline. On savait que les Knicks n'allaient pas révolutionner leur équipe. On savait que ça allait être un mouvement à la marge. Enfin, nous, c'est ce qu'on pressentait. Et bon, on a voulu nous vendre avec des insiders, soi-disant, des moves qui allaient tout chambouler. Non, le pari a été fait de continuer avec ce groupe. Si vous voulez des bonnes à la marge. Si vous voulez des bonnes infos, il faut aller voir soit Fred Katz ou Yann Begley, qui ont toujours des bons renseignements, des bonnes infos. Et pour un, et eux n'ont jamais annoncé, notamment pour Yann Begley, ont jamais annoncé Giannis en disant ouais, les Knicks sont peut-être intéressés, machin. Ils ont toujours été dans. Ils ont dit qu'effectivement, ils seraient attentifs, qu'ils feraient des offres. Ouais. Mais voilà, après. Et ils ont toujours été dans le mood de dire le front office est satisfait de cette équipe. Elle pense que cette équipe peut faire quelque chose. S'ils doivent bouger, ça serait à la marge. Ils avaient annoncé, notamment Begley, que quand même, ils sondaient le marché pour Gershon. Ça, c'est sûr, pour pas comme Dadier, ça, on le savait. Donc, voilà. Si vous voulez avoir des bonnes infos, c'est ces mecs-là qu'il faut suivre, quoi. Voilà. Puis nous aussi. Oui. On relaye les bonnes infos. Relaye. Ouais. Bon, des fois on se fait avoir, des fois on se fait piéger aussi, hein, ça arrive. Et puis pendant tout ce temps-là, parce que voilà, ça a parlé de trade, et il y a des trades qui se sont faits, bah finalement on a un deuxième All-Star Onyx. Mais oui, Karl Anthony Towns. Alors est-ce que c'est un petit peu grâce à la nouvelle formule qui est en mode international et qu'il fallait avoir des internationaux et Karl Anthony Towns jouera en tant qu'international sur cette nouvelle formule du All-Star Weekend qui aura lieu ce week-end-ci? Peut-être, peut-être pas. Bon, voilà. Karl Anthony Towns, il a une saison compliquée. Il a évoqué son insatisfaction, ce côté, voilà, ça me dérange qu'on parle de moi dans les trades pour Giannis. Bon, on parle pas de toi pour un trade contre un joueur lambda. On parle de toi pour un joueur qui a été rapide, deep boy, tout ça. Donc à la fois, ça peut être flatteur, mais en même temps, je peux comprendre aussi qu'il n'ait pas du tout envie de repartir dans Wisconsin. Tu sais que Washington a fait l'offre, c'est pour ça qu'ils se sont tournés vers Anthony Davis, mais aurait proposé cette offre-là, donc de Middleton, de machin, de trucs, de trois premiers tours, aux New York Knicks pour Karl Anthony Towns, et les Knicks ont décliné l'offre. Ont décliné l'offre pour, parce qu'en fait, ils croient toujours en ce groupe, et voilà. Non, et malgré les déboires, malgré le fait que parfois ils soient agaçants, comme Julius Randle était agaçant. Ça reste quand même un joueur quand même qui est très fort. On lui reproche beaucoup de choses des fois à Karl Anthony Towns, et notamment son body language, où ça parle beaucoup au niveau des arbitres. Il y a des fois il n'est pas très bien arbitré, faut le dire. Il mériterait quelques coups de sifflet en plus, mais bon, c'est pas en chouinant, en les réclamant que tu vas les avoir. Ça, il faudrait qu'il arrive un peu à prendre sur lui. Est-ce qu'il a besoin d'avoir un coach Z comme pouvait l'avoir Julius? Je sais pas. Mais il faut reconnaître aussi que c'est un bagarreur. C'est un bagarreur, il se ménage pas. Et on l'a vu, en l'occurrence, sur le match face aux Nuggets. Il se défonce la tête. Alors, il se met un coup tête contre tête. Hein. C'est pas le défenseur qui fait une faute. C'est un fait de jeu. Mais il s'ouvre l'arcade et il revient au combat. Et on l'a vu, là, deux jours après. Lunettes ou pas lunettes. Voilà Karl Anthony Towns. Donc, il veut quand même, même si c'est un bagarreur de peut-être de pacotille parfois, il s'était attrapé avec Joel Embiid. Hein, on peut se retrouver les images à l'époque des Wolves. Voilà, c'est un joueur qui a du caractère, qui a son caractère, son attitude, ses mimiques. On l'aime ou on ne l'aime pas. C'est quand même un joueur qui est important dans le dispositif des Knicks. Et si on veut aller loin cette saison, si on veut aller loin en playoff, on aura besoin d'un Karl Anthony Towns. Un Karl Anthony Towns qui apportera son talent offensif, ses qualités de passe, son shoot. On aura besoin de tout ça. Sa qualité de rebondeur aussi. Hein, c'est un des meilleurs, si ce n'est le meilleur rebondeur de la ligue. Il ne faut pas non plus l'oublier, le négliger. Voilà. Alors après, Giannis, ça sera une autre histoire. Ça rediscutera cet été. Et on verra ce que les Knicks auront fait. Si les Knicks sont champions, est-ce qu'on change une équipe de champions? On verra. Chaque chose en son temps. En attendant, il est All-Star. Eh ben oui. Et donc, on le retrouvera dans quelques jours maintenant en compagnie de Jalen Brunson, de All-Star Onyx. Voilà, faut pas qu'on qu'on pinaille non plus. C'est des saisons, il y a d'énormes saisons où on n'avait pas cette qualité de joueur. Bon, on a cette qualité de joueur. Est-ce que c'est le deuxième meilleur joueur d'Enix derrière Jalen Brunson? Ça peut discuter, parce que certains vont préférer OG par moment, Mikal par moment. C'est un peu plus rare. Mikal plus compliqué. Ouais, Mikal plus compliqué. Mais en tout cas, voilà, c'est pas non plus volé au regard de la sélection qui a été faite. Des Knicks qu'on retrouvera à une sorte de concours à 3 points. Bah oui, c'est pas le concours à 3 points classique. Non, non, non, ça sera la version avec les anciens, enfin en team de 3. Il sera accompagné donc de Jalen Brunson, Karl Anthony Towns, et de Alan Houston, un joueur que t'aimes bien. On va voir si Alan Houston, H2O, a toujours, toujours un shoot. Normalement, ça se perd pas, mais bon, ça fait un moment qu'il a raccroché. Ah, il a l'âge de ses artères maintenant, quand même, Alan. Voilà, voilà. Mais sait-on jamais, il pourrait rapporter une coupe de plus à la maison, et ça ferait une belle saison. Et puis je dis après, j'avais 203, donc ouais, je miserais bien une petite pièce 7 sur Nonix. JB, Kat, voilà, deux beaux artilleurs, bien secondés par Alan Houston. Je sais plus qui il y a dans ce format, mais en tout cas, c'est pas le 3 points classique. Ouais, non, t'as une équipe pareille, je crois que c'est Atlanta, avec... J'ai vu le truc, attends, je peux te dire. Ouais, je crois, c'est une formule à 4 équipes, 4 triplettes. Alors, est-ce que c'est que du 3 points ou est-ce qu'il y a... Bon, on verra ça dans la journée des concours samedi. Voilà, et je parlerai pas du concours de Dunk. On n'a pas de Knicks au concours cette saison. Bon, mais le concours de Dunk, je crois qu'il y a le moins de hype au monde. Je crois que c'est ce concours de Dunk-là. Enfin, il n'y a aucun nom clinquant. Bon, tu me diras ce qu'il y en avait déjà un peu avant. Alors voilà, donc il y a le team. Donc il y a le team All-Star avec Scotty Barnes, Richard Hamilton et Chet Holmgren. Voilà. Okay. Après, il y a pourquoi, la team Knicks. Pourquoi cette association, tu sais pas? Team All-Star, mais ouais. On savait pas où les caser. Voilà. Du coup, Barnes et Holmgren ne savaient pas où les caser. Donc allez, hop, team All-Star. Et Richard Hamilton, Rip Hamilton. Ensuite, donc, on a la team Knicks avec Jalen Brunson, Karl Anthony Towns et donc on l'a dit à la Houston. La team Cameron avec Con Knuppel, Corey Maggette et Jalen Johnson. Alors, je pense que c'est Cameron. Pourquoi le team Cameron? Je sais pas. Mais. alors, et puis, quel est le lien entre Con Knuppel et Jalen Johnson et Corey Maggette? Quel est le lien? Ils ont peut-être fait la même fac? Même pas. Je sais pas. Dites-nous en commentaire si vous savez pourquoi ils ont appelé ça cette petite Cameron. Et après, il y a la team Harper avec donc Ron Harper qui est accompagné de deux fistons. Donc ben, forcément Dylan Harper et Ron Harper Jr. Voilà, donc... Bon, voilà. Là, on comprend le lien de filiation. c'est mais non, c'est vrai que... La famille, la mif. Alors, ouais, team Cameron, c'est... Il faut savoir c'est on va, quoi. On va essayer de creuser, on va se renseigner. En tout cas, moi, je mettrais bien une pièce sur Nonix, pour le coup, même si peut-être se méfier de la team All-Star. Bah, bon, on verra. Et puis, ouais, au concours de 3 points, bah, Jalen Brunson l'avait fait les deux dernières saisons, en tout cas pour sur la dernière. Cette année, il ne rechausse pas les gants pour ce concours. Et un petit peu à la surprise générale, il y a Damian Lillard. Alors bon, Dame, il est plutôt out cette saison, il était blessé, il s'est fait quoi, le tendon. Ouais. Il va se faire un concours à 3 points. Surprenant. Alors, est-ce qu'il c'est revient l'NBA. Après? Est-ce qu'il revient jouer un peu de match de régulière? Bon, je sais pas. C'est... Moi, ça m'a surpris quand j'ai vu ça. Bon. Bref, ça sera ce week-end. Voilà, des All-Stars à New York, un peu de concours. Bon, on regardera pas. En tout cas, c'est ce week-end. Ce qu'on a regardé quand même. C'est ce week-end-là, là enfin, Oui. Le week-end dernier, enfin dimanche. C'est dernier, le week-end c'est le Super Bowl. Du 13-14-15, là. Ouais. Voilà. Et tu vois, j'étais tellement à l'ouest que j'avais zappé que c'était ce week-end-là, quoi. D'accord. Ben, si, parce que du coup, ça va faire moins de matchs Genix à regarder. Ils vont avoir un peu de pause, ils vont se reposer. Ça va peut-être pas faire de mal à certains. Donc voilà, mais en attendant, bah, on avait eu qu'une belle quinzaine d'Enix. Alors on va pas vous refaire forcément tous les matchs en rétrospective un par un. Pourquoi? Parce que deux semaines c'est beaucoup, j'ai plus de voix et on a oublié certains scores, certains faits d'armes sur ces matchs. D'Enix qui sont plutôt bien comportés, il y avait 8 matchs et ils en ont gagné 7 des 8. Donc ça c'est plutôt pas mal. Après le Players Meeting, Only Player Meeting, qui était arrivé en période de crise où les Knicks ne gagnaient plus au mois de janvier. Qu'est-ce qui se passait? 2026, l'année maudite, la malédiction de la Cup. Et bien les Knicks se sont bien repris. Ils ont enchaîné 8 victoires. C'est pas mal. La série s'est malheureusement stoppée, où ça? À Détroit, dans le Michigan, après bah, ce match qu'on a vécu, la double prolongation face aux Nuggets. Est-ce qu'il y avait un petit contre-coup? Possible. Possible, hein, c'est pas rien, un match en double prolongation, c'était pas du back-to-back, mais quand même. Et puis il manquait des joueurs sur ce match-là. Il manquait OG, il manquait Kat. Bon, comment c'est? McBride qui manque depuis un petit moment. Alvarado n'était pas encore arrivé. Jalen Brunson, faut le dire, il a pas été bon sur ce match. Non. C'est lui qui porte les Knicks tout le temps, et même quand il manque du monde. Bon, quand lui arrive pas à porter les Knicks, ça devient. Vu comment tu te fais éclater, si tu veux, tu peux pas trop sortir de nom en disant « Ah, lui peut-être ». Lui peut-être. Alors, le meilleur marqueur, c'est qui? C'est Mikal, mais c'est celui qui a le plus mauvais plus-minus. Donc, voilà, des fois, le paradoxe de certaines stats. Il termine à 19 points sur ce match-là, alors qu'il avait été catastrophique sur le match face aux Nuggets. Non, mais là où tu te dis où c'est fou quand même, c'est que dans cette série de 8 victoires consécutives, en fait, tu te dis normalement que quand tu fais une série comme ça, d'autant de victoires, tu as souvent un push quand même au niveau du classement, tu vois, tu fais quand même quelque chose. Et là, en fait, ben les Knicks restaient coincés à cette troisième place, en fait. Ouais. Tu rattrapais pas Boston, tu rattrapais pas Détroit, tu stagnais malgré ces 8 victoires consécutives. Et c'était plutôt un peu embêtant, quoi, parce que, ben, tu vois, par exemple, t'as Charlotte, dans leur série de victoires, ben, ça y est, ils sont en play-in, ils ont passé Chicago, et puis, bon, et au niveau des dynamiques, c'était pareil. Et là, en fait, les Knicks, ben non, en fait, il n'y avait pas de changement, ouais, en fait. Parce que les concurrents directs que sont Détroit et Boston, bah, ils ont consolidé aussi leur classement, ils ont continué de gagner, et voilà, il n'y avait pas de marge suffisamment importante pour que soit on passe devant, soit on ne soit détaché. Donc voilà, finalement, on a encaissé pas mal de victoires, et tant mieux. On a pris une revanche face à Sacramento, on a rebattu une nouvelle fois Toronto, donc ça, c'est aussi intéressant au regard peut-être d'une opposition qui pourrait arriver au printemps prochain. Des Raptors qui étaient un peu plus au complet, hein. Il y avait pour le coup. Ouais, il y avait RG, il y avait IQ, il y avait tout le monde était là. Donc, et IQ qui était à l'époque, j'ai l'impression qu'on parle d'une période très très lointaine, mais qui était joueur de la semaine. Eh ouais. La semaine de la conférence Est. Donc voilà, une équipe qui tournait plutôt bien. Et donc les Knicks ont réussi à choper quand même des victoires assez convaincantes avec la manière. Une défense qui s'est quand même bien. Qui a bien haussé le ton. Un OG Anunoby, moi que j'adore. Ça se voit, hein, ça se voit. Je remonte le maillot là, OG. Mais OG qui est plutôt bon sur cette période avec pas mal de matchs à 20 points aussi. Donc voilà, on a retrouvé un apport offensif régulier de la part de OG Anunoby en plus de sa défense. Donc des Knicks qui se sont retrouvés quand même sur cette période. Période qui n'était pas évidente puisqu'on l'a dit, c'était la trade deadline, il y a des rumeurs. Mais je pense aussi, et on a. Moi, c'est mon sentiment, mon impression. On a retrouvé un peu Kat un peu plus serein, même si ça pingue toujours. Mais peut-être qu'on lui a dit, non, mais hey, calme-toi, c'est rien mode de trade, il n'y aura pas. Il n'y aura pas, on ne te trade pas pour Giannis, on finit la saison ensemble. Donc, il y a peut-être eu aussi, et puis cette sélection All-Star qui est tombée. Voilà, peut-être que la pression est retombée dans sa tête. Et puis pour peu que le front office soit le voir en disant, écoute... Il n'y a pas de souci, t'inquiète. Voilà. On est ensemble. Après, voilà. Ça vaut ce que ça vaut comme parole, mais je pense que ça a joué à retrouver la sérénité. Puis on dit quand une équipe gagne, tout va bien, quoi, le groupe va bien à ce moment-là. Ah oui, enchaîner les victoires, c'était intéressant, c'était bien. On a martyrisé Portland, c'est ça? Portland, ouais. On avait gagné chez eux, mais ça a été compliqué là. En plus de ça, si tu veux, c'est que sur cette série de victoires, tu étais quand même sur. Dans nos victoires, on limitait les équipes en dessous des 100 points. C'est-à-dire que donc, les Raptors, tu les bats 119-92. Les Trailblazers, tu les bats 127-97. Les Lakers, derrière, on les bat 112-100. Donc, encore une fois, pour une victoire. Un match plus compliqué face aux Lakers, ça s'est joué en deux temps, première période, première mi-temps où. Bah, les Lakers ont un petit peu on va dire, pris les devants, et puis les Knicks qui ont plié le match en seconde mi-temps, quoi. Donc, l'arrivée de LeBron au Garden, c'est toujours particulier, ça a discuté avant, les prix étaient en flèche. On ne sait pas, peut-être si c'était ses derniers matchs all-time au Garden, est-ce que ça sera avec les Lakers ou une autre équipe, on ne sait pas. Il n'a pas encore officiellement annoncé une retraite. On voit quand même que les performances sont plus compliquées, il est plus tout jeune. Il a 42 ans, LeBron. Il a passé plus de la moitié de sa vie sur des parquets NBA, donc aussi fort soit-il, il n'est pas éternel. Il se murmurait que maintenant, il voudrait jouer avec Brice. Pas Brice de Nice, mais Brice son fils, quoi. Mais bon. Ce match sérieux, c'est vrai, comme tu disais, avant que tu partes, quand on avait fait un peu le truc, les Lakers, c'est jamais une équipe qui trop nous réussit, et ben, on a fait un match sérieux, et puis ben, voilà, quoi, match remporté, c'est passé, on maintient quand même cette attaque à 100 points, donc c'est pas rien. 100, une win de plus 12. On regarde la première période qui était assez accrochée. Voilà, ils ont quand même bien fait le taf en seconde mi-temps. Ouais. Et c'était plaisant à voir. Une victoire de prestige. On a un peu gâché peut-être le pot de départ de Bourron, quoi. Le match que vous avez vu donc contre les sorciers de Washington, 132-101, on aurait pu les maintenir, hein, on aurait pu, j'espérais jusqu'au bout, mais il y a ce 3 points là qui rentrent là, et du coup ils sont à 101 points, mais sinon on aurait pu les maintenir sous les 100 points, j'aurais bien aimé, je t'avoue, j'aurais bien aimé, bon, n'empêche que voilà, tu gagnes de 31 points, 3 points du Portier, ça n'a pas de prix. Un garbage. Tout le monde a joué, tout le monde était de la fête. Ce match, malheureusement, petite blessure de Josh Hart, ouais, qui se blesse. Et puis aussi, Mo Diawara qui fait une belle entrée. Tous les deux, coup sur coup, ils se font tous les deux. C'est un peu le côté, les bad news de ce match. Mo Diawara, qu'on a vu et qu'on a vu à l'énergie, enfin voilà, un rookie qui saisit toutes les opportunités qu'on lui donne, vraiment très plaisant. Malheureusement, il se blesse sur ce match, mais on le revoit se tester, nous, à la mi-temps, avant que le match reprenne. Ou c'est Edwards, c'est un autre insider aussi, un autre suiveur d'Enix, là, il s'appelle Edwards, qui disait non, mais il est là, il teste sa cheville, il fait des 3 points, il fait des trucs, donc c'est plutôt bon aussi. Rassurant. Après, au vu de la raclée qui était mise, il n'y avait aucune raison de le renvoyer pour se blesser, comme pour Josh Hart d'ailleurs. Il n'y avait aucune raison de le renvoyer. Voilà, c'était. Il n'y avait pas d'intérêt. Il n'y avait pas d'intérêt de prendre un risque particulier. Mais voilà, en tout cas, c'était. Quand on a vu qu'il a eu du mal à se relever, qu'il a été porté par Kat Gershon pour sortir, et c'est mince. Mais après, et en fait, si tu veux, ça, vous ne l'avez peut-être pas vu, vous, sur place. Donc, il est porté. Mais dès qu'il passe, en fait, le banc de touche, je crois qu'il passe derrière les Wizards. En fait, il leur dit non, mais c'est bon. Il les écarte et il va de lui-même, il marche de lui-même jusqu'au vestiaire. On le voit après, il est porté pour sortir, mais dans la travée qui amène au vestiaire, il a fini tout seul. Donc bon, il pouvait poser son pied par terre et tout. Et voilà, on sait ce que c'est qu'une entorse. Hein. Tous les basketteurs en ont eu déjà de multiples, plus ou moins sévères. Visiblement, elle n'était pas trop sévère. Vous avez quand même eu l'opportunité. Je pense que ça sera peut-être pas pour tout le monde l'occasion de voir Dillon Jones jouer aussi. Tu rigoles, mais Dillon Jones. Non, et puis Landry Shamet, encore une fois. Il met des bonnes banderoles, des bons 3 points qui font du bien. Alors sur ce match, il en a mis. C'est plus sur le match d'après, sur le match face aux Nuggets, que ça a été encore plus important. Mais effectivement, lui, il a retrouvé sa pleine capacité. Et Dieu sait qu'il est important dans le jeu, quoi. Ah, il est carrément important. Et puis là, Landry Shamet, depuis qu'il est revenu, c'est un joueur qui tourne quasiment à 10 points par match, 9,4 depuis son retour. Donc pour un mec qui sort du banc et qui amène environ 20 minutes de temps de jeu, 20 minutes, 10 points par match, avec des pourcentages à 3 points à quasiment presque 44%, écoute, sur des volumes qui sont quasiment... Il est presque à 3 sur 6. Qui se donne en défense. Alors face aux Wizards, c'était peut-être un peu moins nécessaire. Là, on va basculer sur le match des Nuggets. Match des Nuggets, il y a eu un gros Jamal Murray en première mi-temps qui était à 90% des points de son équipe. Mais le match, c'était un combat de boxe. C'est je te mets un Avec coup, Brunson. tu mets un coup, je te mets un coup, tu mets. Mais même les deux équipes. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas Ouais. de. Je te mets un run, je te mets moi aussi un run, je te. Pam, pam. Et ça se rendait coup pour coup. C'était qui va gagner? C'était un gros match, vraiment gros test, gros match, Oh oui, quoi. oh, on a surkiffé quoi. Il y a Jokic qui se fait une frayeur en début de match. On dit, ah, il retombe mal sur un. Enfin, oui, voilà, il y a une gêne au moment d'un rebond. Il part sur le banc. On dit, ah, il est peut-être revenu un peu trop vite. Les deux équipes étaient en back-to-back. Les Nuggets avaient perdu. Chez qui? Chez les Pistons, je crois. La veille, les Knicks avaient laminé les Wizards de chez eux. Donc voilà, les deux équipes étaient dans la même disposition, dans le même état de forme. Et Jokic est revenu depuis peu. On sait que voilà, il y a peut-être un peu les accessites à des récompenses de fin de saison qui ont peut-être plus ou moins précipité son retour parce que les Nuggets tournaient plutôt bien, même en son absence. Mais voilà, il y a eu un gros duel, effectivement. On a vu aussi que Jokic, niveau défensif, c'est un plot. C'est un plot. C'est un plot sur lequel même Mitchell Robinson s'est amusé à le prendre de vitesse pour Pour aller aller claquer un drive. tomard. Ouais. Voilà, c'est des actions qu'on voit pas souvent dans une vie, et ça, c'est plaisant. Mais c'est un plot qui a des super skills offensifs, et en ça, bah voilà, on sait pourquoi c'est un joueur dominant de la ligue et que c'est un MVP, un multiple MVP. Un match, voilà, un match, voilà, aux forces mentales, du Landry Shamet qui sait être bon quand il le faut, du Mitch Robinson qui s'est fait plaisir au alley-oop, du Jalen Brunson qui a été royal, quoi. Voilà, les MVP qui lui étaient chantés étaient absolument pas volés. Il Mikal a qui été nous a énorme. fait criser, par contre, parce que Mikal, ça se courait Mikal, pas, ça faisait des bêtises. heureusement que Mikal Bridges, il y a ce 3 points dans la deuxième prolongation qui est hyper important, ce 3 points. Mais sinon, il fait un match fantomatique. Il se fait prendre des vitesses par tout le monde. Il fait pas un stop. Et en plus de ça, il fait ça. Donc on en a parlé au tout début de l'émission. Cette faute. Débile, pardon, pardon du terme, qui peut coûter la victoire en fait aux Knicks. Et ce match de Mikal Bridges a été scandaleux, scandaleux, vraiment. Il n'y a pas Lui autre qui mot. était dans les rumeurs de trade, et puis ça s'est tassé, mais voilà, effectivement, il y a une irrégularité chez Mikal qui est problématique, parce que oui, il est capable de bonsoir, des fois du scoring sur le papier qui est sans forcément trop de saveur. Et oui, parfois, bah, il est très effacé, ou voilà, il n'était pas. Alors, c'est du back-to-back. Peut-être que tous les joueurs digèrent pas le back-to-back de la même façon, même si, face aux Wizards, c'est pas là où ils ont été les plus empruntés pour pouvoir décrocher la win. Donc, bon, Mikal, on va pas tirer dessus. De toute façon, on aura encore besoin de lui. Il aura sûrement ses flashs, ses fulgurances. Il les a eus la saison dernière en playoff. Et c'est ça aussi qu'on veut garder avec lui en tête. Mais sur ce match, il a mis en difficulté l'équipe. Les Knicks avaient Il la était pas content, victoire hein, bravo. plusieurs fois. Et on a l'impression qu'on a joué avec le feu et on s'est joué à se faire peur. Ça aurait pu être les Nuggets qui cachaient la fête. Mais Ouais, parce bon, qu'en plus de ça, c'est bien fini quand même pour eux. dans la deuxième prolongation, bah, c'est eux qui ouvrent le score, c'est eux qui prennent la tête. Heureusement qu'ils ont connu une mauvaise adresse. Justement, tu dis, Jokic a été désastreux à 3 points. L'équipe, en règle générale, n'a pas été très bonne à 3 points. Et heureusement, parce que le match aurait pu être désastreux. Mais Jalen Brunson dans le clutch. Dans la pro dans, dans Énorme, les dans les deux énorme. prolongations, notamment dans la deuxième où il marque quasiment 10 points ou 10 points dans la deuxième prolongation, Ah, c'est lui c'est qui tue le game à un moment donné, ouais. Monstrueux, monstrueux, monstrueux. On réalise pas que ce mec, on l'avait dit, ce mec a des choses en plus, quoi. Il a le fort de This dude. personnalité, ça on le sait, mais en termes de. Non, non, non. En face, ça n'arrivait pas à le stopper, encore une fois, quoi. Et il y avait un duel. Alors après, oui, c'est pas lui qui stoppait Murray non plus, on est d'accord. Non, non. Mais Et je voilà. trouve Ça me que. faisait penser un peu à ce duel qu'il y avait eu entre Donovan Mitchell et Jamal Murray dans l'époque de la bulle en Ah. playoff, sur un combat un peu je te réponds, tu me réponds. Alors ça a été monté dans les 50 points, mais voilà, c'était un peu du même acabit. Et ouais, Mais c'est je pas trouve que ça super plaisant à va. voir, quoi. Je trouve que ça va mieux défensivement pour Jalen Oui, Brunson. il il est ciblé parce qu'il est petit, parce que voilà, et puis parce qu'il donne aussi énormément d'énergie en attaque. Hein. Il y a un moment. Non, mais c'est vrai qu'à un moment donné, il faisait pas des masses les efforts. Et là, je trouve que quand même, c'est mieux. Et d'ailleurs, il a eu le DPOJ. Il a eu. Et ben voilà, sur ce match, effectivement, c'est le premier de la saison. Est-ce qu'il y en aura d'autres? Je ne sais pas, mais il a été récompensé par ses coéquipiers et par le staff. Donc voilà, on a vécu quand même pas mal de premières sur ce voyage. Et en soi, c'était mérité. Bon, il a fait gagner l'équipe aussi par son talent offensif. Mais voilà. Bon, par contre, nous, on est rentrés. On a pris l'avion. On n'a pas suivi le match qui a suivi dans le Michigan. Une purge. Vu le score par rapport aux notifications, on n'a pas vu les images tout de suite. Et il valait peut-être mieux pas les voir. Alors, il manquait du monde. Il n'y avait pas Kat, il n'y avait pas OG, il n'y avait pas Juice, on l'a dit. Alvarado n'était pas encore arrivé. Et ça a été compliqué. Mikal ouvre le score. Tiens donc, il marque plus de points en 2 minutes. Il n'y avait pas Jalen Duren. Réglementaire, mais il n'y avait pas Duren en face non plus. Ouais, effectivement, c'était pas totalement au complet. Mais ça a été très vite compliqué. Très vite, Détroit a pris les devants. Et... Le même match, en fait, le même match que le premier. C'est-à-dire, ils en voulaient plus. Ils avaient envie de nous sauter à la gorge. Et puis, l'écart gonfle. Et tu te dis, mais quand est-ce que ça va s'arrêter? Moins 10. Et puis, en fait, quand tu commences à passer la barre symbolique des moins 10 et que tu vois le match, tu te dis, ok, non, là, on est mal embarqué. Tu le sens que la soirée va être pénible. Et puis moins 10, moins 15, et puis d'un coup, ben, tu flirtes, et puis à un moment donné, tu passes les moins 20, et là, tu fais, bon, ok, et puis après, c'est passé à moins 30, moins 35, moins 30. Insupportable. Là, le match qu'on a pas su prendre, bon, on aurait été plus au complet, il y aurait peut-être eu une toute autre histoire, mais bon, on peut pas réécrire l'histoire. On verra. La saison dernière, en saison régulière, il y a des équipes qui nous ont battus 4-0 qui nous ont sweepé en régulier. Et normalement, on n'est pas amené à les retrouver au premier tour. Normalement, on n'est pas amené à les retrouver au premier tour. Normalement. Vu comment la saison part, normalement, non. Hein, faudrait, voilà. Est-ce que ça va glisser un peu? Est-ce qu'ils vont perdre le spot de 1 à voir? Mais ça, c'est au mieux, au plus tôt du second tour de playoff. Et ça pourrait promettre des joutes plutôt intéressantes. Bon, après ça, comment les Knicks allaient rebondir? Match aussi important. Dans le Massachusetts, à Boston, les Celtics avaient gagné face aux Knicks sur la dernière confrontation, c'était juste avant le départ. On attendait de voir un peu comment ça allait réagir, bah, ça a plutôt bien réagi. Ouais. Là, sur le coup, retour de Kat, avec des lunettes au début, on nous a dit « Ouais, c'est les lunettes de Stud !» Présent. Bon, Alvarado présent, Josh Hart présent, bon, il manquait OG. Mais on avait Baby OG. Baby OG, ouais. On avait Modi Awara dans le 5. Ben, hein. Non, alors, c'est Chamette qui a débuté. C'est Chamette qui a débuté. Ah oui, c'est Chamette. Modi Awara était starter sur le match d'avant. Et Baby OG, c'est Modi Awara, Baby OG. Ouais. Voilà, ou Baby Siakam, on sait pas. Mais effectivement, donc Chamette starter, ça lui a pas réussi pour le coup. Ça lui a pas réussi. Pas son plus gros soir, mais par contre Modi Awara qui a eu un temps de jeu relativement important, conséquent, 27 minutes si je dis pas 27 minutes, tout à fait. 10 points, alors est-ce que c'est son record en carrière? Peut-être pas, il a peut-être fait une pointe un peu plus. Je peux te dire. Mais en là, tout cas, une énergie, une présence qui a été remarquée, et à tel point qu'elle a été remarquée que c'est lui qui a succédé à Jalen Brunson pour DPOG, le meilleur joueur défensif de la rencontre. Un rookie qui saisit ses chances, ses opportunités. Il avait fait un 18 points contre la Nouvelle-Orléans. Ah, ouais, contre les Pels, où il y avait eu un match dans le match avec Sadiq Bey au début. Ouais. Mais sinon, après, derrière, c'est son troisième meilleur score, puisqu'il avait scoré 10 points contre Portland. Et donc là, il récidive avec 10 points contre Boston, qui est quand même, une meilleure défense, quoi. Il n'avait pas scouté, c'était notre joker. Donc très belle prestation de notre plus 22, ami, plus minus. Notre compatriote Mohamed Diawara. Clairement, un joueur qui saisit ses opportunités et un rookie, plutôt bonne pioche. Hein, plutôt mais bonne pioche. On verra de quoi l'avenir lui est réservé. Mais... Le match d'hier, la deuxième mi-temps, est magnifique. La deuxième mi-temps est magnifique. Le troisième quart est étouffant et Boston lève à moins 20, lève le pavillon blanc à 3 minutes de la fin. Il faut rentrer tout le monde, même à quasiment presque 5. Il faut rentrer tout, enfin, ils vident le banc. La ligne, Jalen Brunson, Alvarado, Mo Diawara, Josh Hart et Mitchell Robinson. Ah, ça a été, cette line-up là, elle a été mais étouffante au possible. Elle a fait vraiment des misères. Alors, ouais, Jalen Brown est très fort et il a trouvé des spots pour marquer des points parce qu'il est exceptionnel. Jalen Brown est vraiment très fort. Mais les autres joueurs autour ont galéré parce que on a vu là l'importance d'un Alvarado qui lâche rien, qui suit son mec même sous l'écran. Enfin. Il a tenté de repiquer les ballons encore par derrière, mais bon, il a réussi à un moment donné. Et ses trois points aussi, c'est quelque chose qui était à peu près négligé. Il a cette capacité de shoot extérieur, ouais, très intéressant. Donc, c'est des premiers pas réussis au Knicks, c'est pas encore à la maison. Donc, et Josh Hart était heureux comme tout. Et Josh Hart était heureux comme tout après le match. C'est. En plus, avec Bad Bunny dans les vestiaires, Bad Bunny à la mi-temps du Super Bowl. Bon, bah voilà, quoi, c'était Noche Latina, Nueva York. Mais au-delà de ça, ouais, une belle prestation. C'est toujours bien après un blowout. Faut voir comment on le fait. On l'a fait avec la manière. Voilà, il y avait concurrence avec les Celtics sur ces premières places de la conférence Est. À voir hein, si Tatum reviendra ou pas. Le début de Vucevic, à voir ce que ça apporte aux Celtics. Il avait fait un bon premier match. Deuxième, là, un peu plus compliqué. Ils ont fait ce move, Boston. Ils ont gagné du pognon en faisant ce move. C'est ça qui est incroyable. C'est que ça leur a presque libéré du cap. Après, au niveau, tu vois, on parlait du sacro-saint fit. On verra sur le temps, mais bon, voilà. Quand Josh Hart a été interrogé en fin de match, je crois que c'est Josh Hart, sur vous pensez quoi de l'arrivée de Vucevic ? Alors lui, il a dit, ils avaient déjà Kristaps Porzingis, qui était un... il n'a pas dit un intérieur blanc shooter et pas mauvais défenseur, mais bon, en gros, dans l'esprit, c'était ça. Donc, en gros, c'est la même chose, quoi. Sauf que quand même, Vucevic se blesse pas. Ça ne nous inquiète pas. Ouais, vous, ça nous inquiète vous... pas. Ça nous inquiète pas, quoi. Bon, on va terminer notre rétrospective de cette quinzaine. Alors, voilà, c'est plus compliqué d'élire un joueur phare, mais on va le faire quand même. Sur cette quinzaine, Alvarado, c'est trop tôt. Hein, on a vu un match, c'est bien. Bon, on attend d'en voir plus. Il a la gueule. Il a la gueule du mec qui va l'avoir. Lui, s'il n'en a pas un à la fin de la saison, c'est qu'il aura vraiment fait du caca. Jalen Brunson, All-Star, et puis qui porte l'équipe. Il le mériterait quasiment toutes les semaines, mais on aime bien un petit peu varier. Carl Anthony Towns, il s'est battu, il s'est défoncé la tête. Il mériterait peut-être, il n'en a pas eu beaucoup cette saison. Je ne sais même pas s'il en a eu tout court. On va vérifier ça. Il n'en était pas loin, en tout cas. OG, une des séries de matchs à 20 points, ça mérite. Bon, Mikal, ça mérite pas. Hein, Mikal, il va falloir à un moment donné que tu trouves la régularité et que tu arrêtes ces matchs fantomatiques. Quoi, hein, parce que tu as un gros temps de jeu. Hein. C'est celui qui court le plus dans la ligue. Mais bon, on ne sait pas dans quel sens il court, quoi, parfois. Josh Hart, il y a eu des petits bobos. Mais bon, Josh Hart, on attend le triple-double hein, pour voir tout ça. Mitch, pas mal. Mais non, on a décidé. Il y avait deux gros dossiers. On a dû trancher avec deux gros dossiers. Landry Shamet, et on l'a dit, quand même, depuis son retour, a changé quand même une partie du visage. J'ai peur pour son épaule, hein, parce qu'il en reprend des coups. Hein. Il en reprend, mais écoute, il continue à mettre des filoches. Donc, ça désaxe pas son shoot, on est d'accord. Il continue à mettre des filoches. On s'est dit, Landry Shamet, à voir demain le match qu'il fait, et ça s'est joué sur le match contre Boston. Ouais. Avant le match, on partait sur du Shamet, il est titulaire, ouais. Mais il fait son plus mauvais match. Il était en balance. Il était en balance avec. Ta ta ta ta. Cocorico. Mo Diawara. Eh ben oui, eh ben oui. Parce que les Français peuvent réussir à New York. Non, mais les Français, oh là là, New York, les Knicks, oh là là, vous avez vu. Bon, on faut pas aller à souffle New York, fort. Mauvais choix. Non, on entend des conneries. Oh, c'est des conneries. C'est des... Oui, oh là là, oui, oui, alors, Gershon, il a marqué plus de points à Chicago tout ce qu'il a pu faire à New York. Ouais, il a pas gagné un match. Mais et ça, tu sais... Ça, je l'ai dit, là, un groupe de discussion qu'il y a sur X, on a... Chapi a fait un groupe avec plein de supporters d'Enix, et je disais, de toute façon, vous allez voir, Gershon, il va réussir aux Bulls, on va dire, ah, vous avez vu l'Enix, hein, vous avez vu ce que vous avez raté, hein, vous avez vu, vous l'avez gâché. Ouais. Et Gershon, il réussit pas aux Bulls, on va dire, ah, mais vous avez vu hein, l'Enix, hein, vous avez brisé Gershon, c'est pas bien. Ouais. Et là, quoi qu'il arrive... On est dans le cas de figure numéro 1, donc on a en fait un journaliste, je ne sais plus son nom, qui est basé à New York, et actuellement, donc, sur les deux premiers matchs, c'est « Ah, il a scoré tant !»« Ah, c'est déjà plus que là avec les Knicks !»« Oh, il a scoré tant !»« Ah, c'est déjà plus que... » En fait, je lui ai répondu, je lui ai dit « En fait, tu vas faire ça tous les matchs ?»« Tous les matchs des Knicks, ça va être comme ça ?» Parce qu'en fait, si tu veux, bon, voilà, quoi, tant mieux, on le supporte, mais je suis pas sûr qu'un joueur qui avait un rôle de 8e, 9e place, un 4 sur 13, par exemple, au shoot, aurait été accepté, tu vois, pour une équipe comme les Knicks qui vise le haut du panier. Donc c'est bien, il a la carte blanche, tant mieux pour lui. Mais c'était pas du tout le même rôle qu'on attendait aux Knicks. Donc, voilà, c'était fatigant. Mais par contre, le grand gagnant, pour moi, de ce trade de Gershon à Bouzélé, c'est Mohamed Diawara. Il avait quand même la faveur du coach. Ouais. Mike Brown l'aime beaucoup. Il l'a titularisé plusieurs fois quand il y a des absences. Alors, c'est vrai qu'il avait l'habitude de le faire jouer en première mi-temps, moins un deuxième, tu scores. Il protégeait un peu ce mec-là. Je pense que c'était peut-être aussi vis-à-vis du groupe, j'en sais rien. Hein. Ça, c'est vraiment de la spéculation. Mais alors, hier. Pas trop faire passer un rookie devant des vêtes. Il y a un moment voilà. Et effectivement, hier, il a priorisé, il a préféré. Modiawara sur quelques rencontres à un Gershon qu'on pouvait penser être une sorte de doublure d'OG. Là, OG est blessé, donc ça donne des minutes. Et du coup, il a pris le rôle d'OG. Il le rend totalement. Alors, quoi. C'est sûr qu'on n'est pas sur du volume de OG Anunoby, mais défensivement, en tout cas offensivement, mais défensivement. C'était l'énergie. Hein, ouais. Super, super. Hier, il a fait vivre un véritable enfer. Notamment Derrick White, notamment. Enfin, il a été sur tous les bons coups, sur tous les bons coups défensifs. Hein. Il est long, il a de longs segments, il est puissant, mobile, il est athlétique, mobile. Il est mobile. Il a 19 ans. Et il a pas peur. Il prend les shoots, il se cache pas. Il se cache pas. Il joue en NBA comme si de rien n'était, en fait, j'ai envie de te dire. Non, très bien. On a eu beaucoup de rookies, on a eu. Beaucoup de Français, des rookies français aussi, je pense à Franck en l'occurrence, qui étaient timides, effacés, qu'osaient pas prendre leurs responsabilités. Avec Modiawara, c'est une belle surprise. Alors bon, voilà, c'est un début de saison, début de carrière, on sait absolument pas de quoi la suite sera faite. Non. Certains nous disent, ouais, c'est un futur Siakam, j'espère, ça serait formidable, je veux dire. Bon, mais on va calmer les ardeurs. C'est pour ça que moi je l'appelle Baby OG, Je l'appelle Baby OG. Non, et puis effectivement, il va parfaire son éducation au basket, son éducation à la NBA, son physique aussi. Donc voilà, il y a encore tout un tas de choses, toute une histoire à écrire. Mais en tout cas, les quelques minutes qu'il nous propose, et là on a eu quand même 27, c'est un temps de jeu significatif. Il n'y avait pas de double prolongation dans ce match. Et ben voilà, il est présent. Et félicitations à lui, quoi. C'était non, très pas bien. Gagné d'avance. Non. Un joueur européen drafté en fin de second tour, sachant qu'on avait déjà drafté un Paco Mbadier qu'on n'a pas trop fait jouer l'année dernière. Et les supporters américains, commencent à tomber sous le charme de ce Frenchie qui disent mais en fait mais il sort d'où, il a c'est été qui, pris en deuxième tour, il sort d'où et puis on regarde un peu ce qu'il nous offre et parce que il est dans l'ADN X. Il est totalement dans l'ADN Nix, dans l'ADN du défenseur qui se la donne, qui prend les opportunités, qui n'a pas peur. Pas de question. Ouais, et donc il est dans cet ADN-là, et que quand il se jette, quand il machin, ça fait level garden, parce qu'en fait, voilà, c'est le type de joueur que les supporters des Nix aiment voir. Et écoute, voilà. Donc, rien comme que pour ça, eu... bravo à lui. Il a eu le chapeau, la paire de team, le gilet. Nous, on en rajoute une couche. Et cette semaine, c'est notre joueur de la semaine. C'est pas pour faire un pied de nez au départ de Gershon, parce que c'est un Français. Non. Voilà, on veut dire, on s'en fout du passeport, on s'en fout du salaire. Quoique, quand on voit les joueurs performer, est-ce qu'ils performent, est-ce qu'ils sont bons sur le terrain, est-ce qu'ils apportent à l'équipe, est-ce qu'ils aident à faire gagner? Eh bien oui, c'est tout ça vis-à-vis de Modiawara. Et l'aventure ne fait que commencer avec lui. On lui souhaite de la réussite à New York. En tout cas, ce qu'on voit en son début de carrière, son début de saison, eh ben, c'est très, très satisfaisant. Et voilà, il fallait au moins le mentionner. Et Landry, tu l'auras une autre fois. Tu l'auras une autre fois. Bon, on a fait une grosse rétrospective parce qu'il y avait beaucoup de choses à dire. On va regarder ce qui se présente. Petite semaine, mais semaine quand même. Donc on regarde ça, on regarde le programme des Knicks pour cette semaine. Bon, on commence par le classement, mais ça va être assez rapide parce que finalement, en haut de classement, ça bouge pas tellement. Hein. Toujours les Knicks en haut, sur les trois premières places, mais pour le coup, on est repassé devant Boston. Bah oui, le fait de gagner chez eux, ça permet de s'afficher avec le même bilan, mais d'avoir un tiebreaker à l'avantage pour nous, hein, 2-1 entre les Knicks et les Celtics. 6 matchs de retard enfin 6 défaites de plus par rapport aux Detroit Pistons. C'est dommage d'avoir perdu chez eux. Mais voilà. Cleveland qui recolle un peu, hein, quand même, mine de rien. Ils sont 4e. Pour l'instant, ils auraient l'avantage du terrain en playoff. Ça voudra dire qu'on ne les rencontrerait pas au premier tour. Le Barbouzeau, est-ce qu'il va aider à consolider cette 4e place? À voir. Toronto, toujours bien placé, top 5. Philadelphie, méfiance, même si, attention, Paul George, il va devoir... 25 matchs, hein, je crois, c'est ça. Hein. Qu'est-ce qui s'est passé avec Polo? On ne sait pas, mais une affaire de drogue. Oula, c'est mal la drogue. Hein. Playoff, paf, puff, paf, pif, playoff, pi, on ne sait pas. Mais en tout cas, 25 playoff, matchs de moins. Paf. pour Paul George, mais une 6e belle place pour les Sixers. Orlando qui a repassé 7e, Miami 8e. Ok, jusque là on se dit c'est les équipes de play-in classique. Atlanta 9e normal. Oh bah tiens, les Bulls, mince alors, ils ont glissé, ils sont plus en play-in. Et ben non, parce que c'est pour le coup les Charlotte Hornets qui ont un des meilleurs bilans de ce début d'année. Avec les Knicks aussi, hein, parce qu'on a fait aussi une série de 8 victoires. Un petit peu surprenant, c'est Hornets, mais qui se redonne des espoirs. Et si par aventure ils arrivent en play-in, eh ben, ça sera une saison réussie pour eux, parce que voilà, on en attendait peut-être pas beaucoup plus. Et pour l'instant, eh ben, voilà, c'est une équipe un petit peu surprise, qui a réussi à taper quelques grosses équipes, et en l'occurrence à l'Ouest. Chicago, du coup, ça a fait un petit peu une opération on vend tout au bras de tout lors de la deadline. À voir hein, jusqu'où ça va. Est-ce que Gershon aura l'occasion de faire du play-in? C'est pas gagné. Ils sont pas très très loin derrière Charlotte. Mais en tout cas, il va falloir batailler. Milwaukee, bon, Giannis et son Cam Thomas. Est-ce que ça va réussir à accrocher une place en play-in? C'est loin d'être gagné. Et puis après la triplette Nets, Wizards et Pacers, ça va jouer le first pick à l'Est. Bon. Bah oui, sûr. Je t'ai parlé de l'Ouest, de l'Est. Tu nous parles de l'Ouest? Allez. J'affiche ce petit classement de l'Ouest. Ah, hop là. Alors, si tu les as pas, moi je les ai. Si, je l'ai, t'inquiète pas, je l'ai. Alors, oui, au niveau du classement de l'Ouest, donc nous avons les Oklahoma City Thunder, ben, ils ont des blessés, ils ont des défaites. Là, ils sont sur 2 défaites consécutives, et donc ils sont à 40 victoires pour 13 défaites, ils sont premiers. Suivi des San Antonio Spurs, 36-16, Denver Nuggets, 34-19, en plus les Denver Nuggets ont récupéré Cam Johnson. Donc, bon, ils ont perdu Aaron Gordon, mais ils ont récupéré Cam Johnson, donc c'est quand même plutôt bon. Ensuite, suivi par les Houston Rockets, qui sont à 32-19. Les Los Angeles Lakers, en 32-19. Donc là, on a quand même ces 3 équipes, ouais. Là, 34-19, 32-19, 32-19, entre Denver, Houston et les Lakers. Les Minnesota Timberwolves, en 32-22, qui sont sur 2 défaites consécutives, dont une hier, un peu dérangeante, contre les Clippers. En play-in, premier play-in, les Phoenix Suns, 31-22. Les Golden State Warriors, 28-25. Les Los Angeles Clippers, qui sont, maintenant ils avaient perdu, mais ils sont à nouveau sur 2 victoires, en 25-27. Donc mine de rien, ils perdent Harden, ils perdent Zubac, mais bon, on est quasiment à l'équilibre. Et après, sont là les Trailblazers en 25-18. sont complètement décrochés. Deux équipes qui sont parties en tank complet, notamment ben Memphis, hein, qui a tradé ouais. Jaren Jackson Jr. à Utah. Un peu à la surprise générale, hein, d'envoyer dans le. Complètement. On ne pensait pas, limite, qu'ils allaient le garder, qu'ils allaient trade Ja. C'est l'inverse qu'ils ont fait. Mais Ja Morant, ils n'ont pas trouvé preneur, étonnamment. Enfin, étonnamment. Ouais. Oui ou non. Ils se traînent des casseroles. Donc, Memphis qui est en 20-31. Et là, on a quatre équipes qui sont en full rebuild. Et ça va chercher le first pick. On a Dallas Mavericks, 19-33, Utah Jazz, 16-37. Et les Utah Jazz, j'ai regardé l'autre jour leur match, je ne sais plus c'était contre qui ils jouaient là. Ils menaient au score, ils jouaient bien, ça marchait bien. Markkanen, Jaren Jackson Jr., Jokic, le petit Keyonte George, ça jouait bien. Et là, quatrième quart-temps, tout le monde dehors, on fait rentrer... Ouais. Du tanking, même pas dissimulé, quoi. Enfin... Même pas dissimulé. Et là, le coach a fait sortir tout le monde. Alors qu'ils n'étaient pas blessés, hein. Ils n'étaient pas du tout blessés. Et donc, forcément, ben, ils ont perdu le match. Alors qu'ils le menaient. Ils jouaient bien. Est-ce que ça va passer au regard de la NBA au bout d'un moment voilà. Je sais pas. T'es en avant dans ton match et tu fais exprès de le perdre, quoi. Ben, ouais. Et je sais pas. Je pense qu'à un moment donné, on va avoir des rapports de blessures. Et les mecs, tout le monde au repos, et voilà. Ensuite, on a la Nouvelle-Orléans en 14-40. Et on finit par les Sacramento Kings en 12-42. Donc là, bon, je pense qu'on a nos 8 équipes qui vont jouer la loterie. Chicago, Milwaukee, Brooklyn, Washington, Indiana, Memphis, Dallas, Utah, New Orleans et Sacramento. Je pense qu'on a ces 8 équipes déjà qui sont pour la loterie, pour les places 1 à 10. Et je pense également qu'on a aussi nos 6 équipes qui vont se batailler pour les places 1 à 5, ou en tout cas les places 1 à 3 de la draft, notamment donc les Kings, les Pelicans, le Jazz, les Pacers, les Wizards et les Nets. Je pense qu'on a ces 6 équipes-là. Attention, Dallas a quand même un potentiel pour aller gratter des places dans le fond du classement. Même si tous les autres, comme on l'a dit, Utah, qui va perdre volontairement, on ne va pas se laisser faire. Donc, voilà, je pense qu'on a quand même ces 6 équipes-là qui vont aller jouer, cette place. Et, ouais, comme je disais, là, les 4 premiers, on a donc le fils à Carlos Boozer qui est présent et qui fait de gros matchs. On a plein d'Ibansa qui est le gros nom, Patterson, et puis un dernier là. Enfin, ils sont quatre gros prospects, trois gros, un quatrième. Et après, comme le disaient les experts, il y a quand même un écart entre la quatrième et la cinquième place au niveau des big boards. Il y aura des déçus encore une fois qui seront. Et je sais pas pourquoi, mais tu vois, une équipe qui n'a rien à faire là, parce que c'est un accident complet. Les Indiana Pacers, c'est un accident complet qu'ils soient là. Tu verras que c'est eux qui vont remporter le capable de récupérer la et des mecs et des équipes comme les Wizards. Je suis pas sûr qu'ils les aient déjà eu, ce first pick. Mais tu vois, il y a des équipes qui sont souvent là, les Nets, les Wizards, les Kings. Tu vois, eux qui sont toujours là en bottom, tu vas voir que ça va leur passer le nez. C'est fort probable. C'est fort probable. Bon, ça, on verra. C'est pas pour tout de suite, c'est pour le mois de juin. Nous, cette semaine, on a une petite semaine au niveau des Knicks. Il n'y a que 2 matchs, c'est que des équipes de l'Est. Les Pacers dans la nuit de mardi à mercredi à la maison. Ça va être les débuts de José Alvarado au Garden. Ça promet une belle ambiance, encore une fois. Et puis derrière, un petit déplacement, pas très très loin. On fait quelques kilomètres et on va à Philadelphie pour jouer les Sixers. Ça va être intéressant à voir, juste avant le All-Star Break. La dernière fois, les Knicks n'étaient pas trop mal sortis, malgré un Joel Embiid en domination sur la première mi-temps et en souffrance sur la deuxième. Donc voilà. Il continue à sortir des grosses perfs. Il y aura le temps de se reposer un peu plus tard. Embiid n'est pas All-Star, hein, si je ne dis pas de bêtises. Côté Sixers, il n'y a que Maxi. Donc voilà, les Knicks ont une petite semaine. Il y a encore quelques victoires à aller chercher. Bon, je vais te demander un petit peu les formes du moment par rapport à ces deux équipes, entre les Pacers, qu'on a vu très très bas, alors les Pacers, Sixers, un peu plus haut. Il y a une donnée à prendre en compte pour les Pacers, c'est notamment importante pour la fin de saison. C'est que nos chers Pacers, pour le transfert d'Ivi Gazubac, ont mis leur pick 26 dans la balance. Mais il est protégé 1-4, pardon, si je dis pas de bêtises, 1-4 et 10-30. C'est-à-dire que si... Il y a une protection en... Donc si... Soit c'est très haut, soit ça très glissé, mais c'est si ça. C'est entre les deux, ça si part. Si c'est entre les plaques 5 et 10 qui piquent, leur choix va aux Los Angeles Clippers. Donc, je pense que quand même, vu leur état de forme, on est quand même sur une équipe qui va maximiser au plus leur tanking. Donc, c'est une donnée à prendre en compte parce que, mine de rien, cette protection, là, ils jouent sans filet. Attention, ils peuvent ne pas forcément choisir. Donc, il faut que vraiment ils soient nuls de chez nuls. Parce que quand tu es nul, je crois qu'après, derrière, au niveau des pourcentages, ça représente rien. Je crois que tu es quasiment sûr de piquer au minimum en 4. Donc, je sais pas si ça peut pas glisser en 5, un truc comme ça. Mais donc, effectivement, ils ont plutôt intérêt à perdre des matchs. Et donc là, leur dynamique actuelle, leur dynamique, c'est défaite. Hein. Défaite contre Toronto, défaite contre Milwaukee, défaite contre Utah, défaite contre Houston. Voilà, là, actuellement, ils sont en défaite, en full défaite. Ils ont toujours Tyrese Haliburton qui est out. Ils ont toujours Obi Toppin, mine de rien. Ben, lui, on n'en parlait pas, mais... Obi top 10, pareil, hein, il, pour l'instant, il n'a pas encore foulé les parquets de la NBA. Saison. Là, ils ont eu une belle blessure, à voir comment ça va tourner, mais Johnny Furphy, un de leurs joueurs, a mal retombé sur son genou, s'est tordu le genou et est sorti. Tout le monde était un peu choqué dans les trucs. Et visiblement, Ivica Zubac ne serait pas encore de la partie pour venir jouer contre les Knicks. Donc, bon, on en dira nos pronos. Il y a quand même une probabilité assez importante pour que cette équipe connaisse cette rencontre. Laisse filer volontairement ou involontairement la victoire. Et côté Sixers alors? Côté Sixers, alors déjà, eux, avant de nous jouer, ils joueront Portland. Ils joueront Portland et je me demande même si ils ne joueront pas Portland, parce que je vois que le match est à 4h du matin. Donc, il est probable que ce soit un match de la côte ouest. Ils sont en back-to-back parce que nous, on est en back-to-back pour le coup cette semaine. Ils sont pas en back-to-back, mais ils jouent mardi 10 à 4h du matin contre Portland et il joue donc heure française et il joue le jeudi 12 à 1h30 contre les Knicks. Okay. Mais bon, faut revenir de Portland, c'est pas à côté, hein, l'Oregon. Et puis ils vont se faire un peu bousculer parce que Portland c'est une équipe qui joue au basket. Voilà, attention tout de même. Alors au niveau de leur forme, ils ont connu qu'une défaite là récemment contre les Lakers. Sinon, ils ont gagné Phoenix, ils ont gagné Golden State, les Clippers, à Nouvelle-Orléans, Sacramento, Milwaukee. Enfin, voilà, sur les derniers matchs, ils sont plutôt en positif. Et au niveau de leur blessure, comme d'hab, ils ont joué à l'NBA qui est en day to day. Mais ça, je pense que c'est comme ça. Mais il jouera les matchs, il faut bien se le dire. Alors peut-être qu'il sera aménagé avec ce long voyage, peut-être qu'il sera aménagé contre les Knicks, mais j'y crois pas trop. Surtout que, comme tu l'as dit, il sera pas All-Star, donc il fera pas le... Il aura le temps de se reposer après. Voilà. Ok. Bon, voilà le programme. Les deux questions habituelles. C'est quoi le match immanquable ? Philadelphie. Elle est toute vue. Normalement, on ne doit pas se manquer face aux Pacers. Et celui où il y a un peu plus d'enjeux, c'est face aux Sixers. Attention, jurisprudence Dallas Mavericks. Par rapport à... Je ne l'ai pas, celle-là. Par rapport au fait que Dallas est arrivé avec son équipe C et qu'ils nous ont roosté à la maison. Ah oui, d'accord. Oui. On n'était pas dans la meilleure dynamique du monde. Là, il y a quand même du mieux. Effectivement, ne pas se relâcher trop vite avant les vacances. Est-ce que OG va revenir? Ça, on ne sait pas encore. Mais il y a de quoi quand même, effectivement. Voyager serein et être en tout cas focus, parce que voilà, ça reste une équipe qui est top 6 de l'Est. Donc voilà. Mais effectivement, je te suis sur le meilleur... Meilleure affiche de la semaine. Bon, je me lance sur les pronos. Je vais faire simple. 2-0. Hein. Après, les vacances, on se reposera. Mais voilà, on a des Knicks qui ont retrouvé du poil de la bête. Le programme de la semaine n'est pas trop chargé. Il y a un petit peu de repos entre le match de dimanche et le match de mardi soir pour heure américaine. Donc voilà, l'équipe va bien, l'équipe s'est renforcée avec Alvarado. Les Pacers, ça doit pas être une histoire trop compliquée. Les Sixers, ça va être un peu plus disputé. Attention à Tyrese Maxey, mais on a de quoi mettre des ingrédients pour en face essayer de le remporter. Et ça permettrait de consolider cette deuxième place. Ça permettrait de maintenir les Sixers derrière nous. Il y a trois défaites de plus pour les Sixers aujourd'hui. Donc voilà, c'est peut-être une équipe qu'on retrouvera au printemps, mais il faudra se montrer sérieux. Ça sera chez eux. On a su gagner chez eux, ils ont su gagner chez nous. Mais voilà, il faudra confirmer tout ça. Philadelphie, c'est la fac de nos amis de Nova Boys. Donc voilà, il n'y a pas de raison qu'on ne soit pas confiant. Et pour moi, c'est un 2-0 cette semaine. Et toi, combien de victoires tu vois cette semaine? 0, 1 ou 2 ou 3? Non, 3, c'est pas possible. Le problème, c'est que contre Indiana, je pense qu'on va dérouler. Ça va être le même match contre les Wizards. Ça va finir en dérouillé. Je vois pas comme on l'a dit. C'était pour rigoler, c'était pour le troll quand j'ai dit attention, jurisprudence à Dallas Mavericks. Mais oui, en ce moment, on a quand même une équipe qui est dans un meilleur mood. Donc ça doit passer, ça va passer et ça va passer avec la manière. Mais après, derrière, on a vu que quand cette équipe est bousculée, est rentrée dedans, qu'est-ce qu'on donne? Alors, est-ce qu'on va faire le même match que contre Boston, où finalement on a été solide et sérieux, ou est-ce qu'on va s'effondrer mentalement et connaître une dérouillée comme contre Détroit? J'ose espérer quand même, en plus avec un effectif au complet, qu'on va faire le même match contre Boston. Donc j'ai envie de te suivre et je vais te dire un 2-0, 2-0 Knicks. Match peut-être dans les deux cas de figure qu'on a connus avec Washington et Denver, c'est-à-dire une grosse victoire et par contre une victoire étriquée, prolongation, double prolongation, je pense pas, mais victoire étriquée sur le deuxième match à Philadelphie. Le problème, c'est comme tu le dis, on sera en back-to-back. Donc, pas de Mitch Robinson, j'imagine que. On va reposer Mitch pour les Pacers et puis on va le faire jouer pour les Sixers, je pense. J'imagine que c'est ce que va faire en Ouais. effet Mike Brown. Ça serait la À logique. choisir. Ouais, à choisir, ça serait ça. Mitch qui avait été plutôt bon face à Embiid. OG qui avait été plutôt bon face à Embiid. Est-ce Cat que qui avait eu OG des va problèmes de revenir? faute. Ah, Ou ben est-ce voilà, c'est ça. qu'il va être un nouveau, tu sais, jusqu'au On va le break? reposer jusqu'au All-Star Break, à voir. Effectivement, avec ou sans OG, ça change les choses. Ça n'a pas changé face à Boston, mais là, face aux Sixers, son apport serait quand même très intéressant. Parce qu'on peut mettre Moody Awara sur Embiid, mais bon, Il va l'autre, se faire épingler le gamin. Il va se faire épingler. il va L'autre, il rendre est. quelques kilos, quoi. Hein. Ouais, il est suffisamment intelligent. Embiid, il va tomber dans tous ses pièges. Moji Awara peut connaître une soirée assez embêtante. Voilà, la présence d'OG sera quelque chose à regarder en vue d'un succès ou pas face aux Sixers. Mais en tout cas, on reste confiant même s'il y avait une absence. Et on partirait sur un 2-0. Alors dites-nous en commentaire votre pronostic pour la semaine. Petite semaine, All-Star Break. On va se reposer un peu, puis on verra quand est-ce qu'on revient. Est-ce qu'on revient lundi après le All-Star Break? Est-ce qu'on vient la semaine d'après? Pour l'instant, on part sur un retour après le All-Star Break. On vous donne de nouvelles très rapidement pour l'épisode 146. 46. Déjà. Voilà, c'est tout pour nous pour ce retour. Une bonne heure 36 d'émission. Fallait au moins ça pour parler de New York, de Washington, de la Normal. trade deadline, d'Hirschon, tout ça. Voilà, vous connaissez. N'oubliez pas la cloche, le pouce, le petit commentaire qui fait plaisir. Tu peux la Voilà, faire en fond, restez ça peut pas nous connectés. faire de mal. Peut-être qu'il y aura un space jeudi. Pour l'instant, on ne sait pas. Ouais, Mais on verra. peut-être qu'il y aura un space jeudi sur. Sur Peut-être X, d'après. Twitter Sur Twitter X. Voilà. Si c'est le cas, je pense que ça sera communiqué par Chapi. Et donc, il ne faut pas X. hésiter. Ouais, restez à l'affût sur les réseaux sociaux. D'ici là, nous, on vous souhaite une excellente semaine. Puis comme d'hab, let's go X. Passons du dessous. 2-0. Ciao, ciao. Pas trop fort hein, pour le All-Star. Je vais rompiche. Ronfle pas trop fort, c'est ça. Allez, bonne semaine à toutes et à tous et rendez-vous très très vite sur KNFTV. Ciao, ciao!